Votre soirée se poursuit sur Fadjet. Il est 21h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en cette belle nuit de Noël. Nous sommes le 24 décembre, il est 21h et nous allons passer cette belle soirée de Noël ensemble, Gaël au micro, jusqu'à minuit avec Sue Hélène, avec d'autres animateurs. Valentin nous rejoindra. Bonjour Sue Hélène. Bonjour Gaël et bonjour à toutes et à tous. Alors autour de la table, nous avons Alex, on va faire le tour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, parce qu'il est tard ce soir. C'est ça. On ne voit plus la lumière à l'extérieur. Si, les lumières des réverbères. Seulement. À côté, nous avons Rodolphe. Bonsoir. Je suis pas habitué d'être du soir, donc je suis un peu fatigué là, en fait. Ça va, là, tu es en vacances. C'est vrai. Donc c'est bien. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On se connaît pas. Non, on se connaît pas encore. C'est la première fois qu'on se voit. Enchantée. De même, Pierre, bon, on connaît. Oh bonsoir. J'ai fait un détour pour être là. Bon. De mon réveillon. En fait, là, il y a que des personnes de la matinale, pour l'instant. Oui, tout voilà, à fait. Moi, par Gaël et d'autres, il y a Louzine qui est de l'émission arménienne. Bonsoir. Bonsoir. Qui va nous parler de Noël en arménien. Oui, tout à fait. Et nous avons Jérôme. Oui. J'ai du mal avec les prénoms. Non, il n'y a pas de mal. Mais il y a énormément de monde autour de cette table. Oui. Ça va être comme ça pendant toute la soirée. Les animateurs de Fadjet vont défiler. Et on va se connaître aussi parce que Fadjet, c'est une énorme maison. Et on ne croise pas tous les animateurs tout le temps. On se connaît quelques-uns. Mademoiselle, on ne se connaît pas. Mademoiselle non plus. Messieurs, je ne vous connais pas. J'en connais 4 sur 8. Déjà pas mal quand même. C'est déjà un bon début. C'est mieux que rien. Alors on va commencer avec un... Je suis allée dans une école sur Nancy et j'ai interrogé des enfants sur Noël. Donc là, ça va être Fanny, Lily Rose et Johan qui vont... Alors je ne me souviens plus de la question, ça c'est, voilà, c'est enregistré. C'est un jeu, on doit deviner la question. Voilà, non, je l'ai dit au début en fait, mais là tout de suite je ne la sais plus. Donc on va les écouter si je retrouve... La bonne touche. Voilà. Que représente Noël pour toi ? Noël, pour moi, ça représente la naissance de Jésus. Noël, moi, ça représente les cadeaux, vu que c'est drôle, les cadeaux. Noël, ça représente les cadeaux et le rassemblement de la famille. Noël, c'est quand on se rassemble toute la famille, qu'on discute, qu'on s'amuse et qu'on fait la fête. Joyeux Noël avec Fadjet. Voilà, il y en aura comme ça pendant les 3 heures d'émission, car nous sommes donc avec vous jusqu'à minuit. On va passer aux événements et naissances qu'il y a eu un 25 décembre, et c'est Pierre qui va nous en dire un peu plus. Qui a bien pu naître un 25 décembre, voilà. C'est étrange, oui. Je ne saurais pas répondre à cette question. Et alors, j'ai fait un questionnaire pour une fois. Donc, d'habitude, c'est un éphéméride une liste d'événements, et là je vous ai posé plutôt des questions. Alors on t'écoute. Alors voici la première question, donc sur la date du 25 décembre. Quel prénom à part Noël fête-t-on le 25 décembre ? Adèle. Non, alors Adèle. Le 25 décembre, est-ce que c'est Noémie, est-ce que c'est Emmanuel, est-ce que c'est Léo ou est-ce que c'est Adèle ? Ah bah. Léo ? Bah si. Léo ? Moi je vois si. Alors Adèle et Noémie, c'est le 24 décembre. Ouais. Et non, alors c'est le 25 lui. Hein. Voilà. Alors que Emmanuel, eh bien c'est le 25 décembre et la réponse était Emmanuel. Bravo. Oh. Non, pas bravo. C'est nul, bravo. C'est nul. Question numéro 2. Le 25 décembre 2003, une sonde américaine se met en orbite autour de Mars. Comment se nomme-t-elle ? Mars Instinct, Mars After, Mars Express ou Martien ? Mars Attacks. T'as oublié de le faire. C'était genre. Pas dedans. Mars After, on va attendre demain matin. Oui, mais non, ce serait ça. Alors non, c'est Mars Express. Ah bah voilà, loupé. Donc, elle a pour mission, eh bien, de filmer la 4e plus grosse planète du système solaire, et la fin de la mission est prévue le 31 décembre 2018. Question numéro 3. Quel physicien et mathématicien est né un 25 décembre ? Est-ce que c'est Galilée ? Est-ce que c'est Copernic ? Ou est-ce que c'est Newton ? Les trois. Non. Ça aurait pu. Allez, oui, Newton. Newton, ouais. Bonne réponse. Newton, évidemment, célèbre pour avoir reçu une pomme, peut-être à Noël, et avoir découvert la gravitation universelle. Question numéro 4, vous en voulez une nouvelle ? Oui. Alors, quelle personnalité ne fête pas son anniversaire aujourd'hui ? En tout cas, n'est pas née un 25 décembre. Demain, tu veux dire ? Voilà. Est-ce que c'est Noël Le Graët ? Est-ce que c'est Noël Reading ? Est-ce que c'est Noël ma mère ? Ou est-ce que c'est Noël Roquevert ? Aucun des quatre. Non, ma mère ? T'as dit Roquevert ? Roquevert ? Eh bien, c'est une bonne réponse. Oh, et pour ce... bravo ! Il est né le 18 décembre 1892. Il est né le 18. Voilà. Non, et a joué dans un singe en hiver avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo et mis en dialogue par Michel Audiard. Question numéro 5, le dicton du jour, il faut le compléter cette fois-ci. Oula. Claire nuit de Noël, claire, Javel, détachante ou adoucissante ? Adoucissante ? Quoi ? J'ai pas. Je peux répéter. On va t'avouer. Avez... Claire, on n'a pas compris. Oui. Alors, claire nuit de Noël, claire, Javel, détachante ou adoucissante ? Il faut compléter le dicton. Eh bien non, c'était Javel. Javel. Voilà. Oui, c'est logique. Parce que ça va mettre Noël. Eh bien voilà. Javel dire oui. À tout le monde, voilà. C'est ça. Eh bien voilà, vous avez pu répondre à toutes les questions. Merci. Ou pas. Bien, ou pas. Ça, c'est fait. À moitié. On a à moitié répondu. On va poser des petites questions maintenant. Encore ? Oui, d'autres questions. C'est mais... un interrogatoire en fait ouais. Ce soir. Oui. C'est toujours donc basé sur Noël. Alors, on va commencer avec une facile. C'est le début de soirée. Quand on n'a pas trop bu encore. De Noël. Non. Que fête-t-on la nuit du 24 au 25 décembre ? Les escargots. Non, c'est pas ça ? Perdu. Non. Qu'est-ce qu'on fête la nuit du 24 au 25 ? La naissance, de Jésus. Eh ben voilà. Voilà. Mais est-ce qu'il est vraiment né le 24 ? Du coup, j'ai un doute. Il n'y a pas une... Ah bah on n'a pas l'heure exacte, c'est vrai qu'on n'a pas l'heure exacte. Parce que s'il est né juste à minuit 1, du coup c'est le 25. Donc c'est raté. Mais normalement il est né le 25 d'ailleurs. Oui. Alors il est né le 25, historiquement apparemment il serait né en été. On a replacé sa date de naissance le 25 décembre parce qu'il y a une fête à l'époque qui s'appelait les Saturnales qui permettait de remplacer donc, cette fête les Saturnales par la naissance du Christ. Donc, a priori, c'est pas sa vraie date de naissance. Mais c'est pas grave. Comme quoi, on a vraiment besoin de Facebook pour se souvenir des dates. À un moment, on est sûr. Exactement. Voilà. Question numéro 2. Dans Le Père Noël est une ordure, film réalisé par Jean-Marie Poiré en 1982, Jérôme Bestamin, interprété par la troupe du Splendide, quel acteur joue le rôle d'un Père Noël et voleur invétéré ? Je sais. Ah bah oui, je vais donner des petites propositions avant, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas derrière leur radio. Il y a un extrait. Ah, en plus, on a de la chance. Eh ben ça c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde. Eh ben vous, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Bah, exercez-vous une activité professionnelle. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, elle se croit plus maligne que tout le monde, celle-là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Zizette épouse X. Zizette épouse X. Alors, peut-être répéter la question ? Oui, tout à fait. Dans Le Père Noël est une ordure, film réalisé par Jean-Marie Poiré en 1982, interprété par la troupe du Splendide, quel acteur joue le rôle d'un Père Noël et d'un voleur invétéré ? Réponse A, Gérard Jugnot. Réponse B, Christian Clavier. Réponse C, Michel Blanc, le premier qui lève la main à gagner. Oui. Gérard Jugnot. Très bien, bravo. Oh. Même sans les propositions, on aurait trouvé, je pense. Hein. C'est plus facile que le blind test tout à l'heure. Bah, après, vaut mieux Gérard Jugnot en Père Noël qu'en Katia, pour ceux qui ont vu le film. Ça, c'est vrai. J'ai pas vu. Bah, Katia, c'est Christian Clavier. Du coup. En travesti. D'accord. Alors, okay. Imaginez Gérard Jugnot avec la moustache en travesti. Joli. Pas trop. Alors, une petite autre question. Alors, on reste dans le film, dans le même film. Quel prénom porte ce Père Noël déjanté ? Oula. Alors, je vous donne pas tout de suite les réponses. Je le sais déjà. Bah, oui, Alex. Oui. Bah, c'est Félix. Oui. C'est ça. Félix, joyeux Noël, Félix. C'est un chat. Personne n'a fait à repasser. Alors, on va faire une autre question encore. Et là, c'est sur une photo. Attention, qu'on diffuse un indice chez vous à la maison. Non, on va décrire la photo. Tiens, je te laisse décrire. Ah bah merci, c'est un cadeau ça. Alors, sur cette photo, nous voyons des bœufs, hein, dans un paysage enneigé. Je vous la montrerai juste après, hein, cher chroniqueur. Dans un paysage enneigé, on voit une petite église à l'arrière, des toits de maison, et il y a quelques personnes autour de ces deux bœufs. Je vous la montre. Alors, c'est une toile, une huile sur toile. Donc, on demande quel peintre post-impressionniste donc a peint ce tableau. Ah. Et il est intitulé « La nuit de Noël », appelé aussi « La bénédiction des bœufs » en 1902. Alors, je vais vous donner les propositions. Il y a Henri Rousseau, Paul Gauguin ou Paul Sérusier. Je dirais Gauguin. T'as pas levé la main, mais on t'accorde la réponse. C'est bien. Allez, une dernière petite question avant d'écouter une musique. Vas-y. En bas, écoute, si ça fait plaisir, je le fais. Quel écrivain a publié en 1882 une nouvelle intitulée « Conte de Noël » Réponse A, Guy de Maupassant. Réponse B, Alphonse Daudet. Réponse C, Émile Zola. Gling. Je la refais dans l'autre sens. En anglais. En 1882, un livre intitulé, enfin une nouvelle d'ailleurs, intitulée « Conte de Noël » est écrit, mais par qui ? Guy de Maupassant, Alphonse Daudet ou Émile Zola ? Allez-y, ouais. Par élimination. Quand on dit nouvelle, on pense... Je dirais Daudet, moi. Non. Il en reste deux. Zola ou Maupassant ? Bah, Maupassant. Allez, une petite musique. On va débuter, vu que Noël, c'est la fête des enfants, on va dire. C'est la musique de Disneyland. Chante, c'est Noël. Et juste après, donc, ce sera Noël arménien. Chante, c'est Noël. Sing along, sing a song of Christmas. Chante, c'est Noël. It's a wonderful time of year. Wondrous time of year. Come raise your voice in singing. Sing out loud for all to hear. Say Noel, say Noel. Sing along, sing a song of Christmas. Oh, say Noel. It's a wonderful time of year. Children's voices all are bringing hope and joy. Alors on va sortir un petit peu de Nancy, de la région, de la France. On va aller en Arménie. Et comment que ça se passe Noël là-haut, Lousine ? Tout à l'heure, on a parlé que quand Jésus était né. Donc je vais vous dire que les Arméniens fêtent le soir de 5 janvier et jusqu'à matin, jusqu'à midi. Donc pas le 24 ? Pas du tout. D'accord. Et je vais vous raconter pourquoi. D'ailleurs, une petite information, l'Arménie a adopté la religion christianisme en tant que religion d'État en 301, c'est-à-dire presque 80 ans avant le Rome. Et c'est connu, le pays est connu comme le premier pays chrétien du monde. Donc je voudrais vous souhaiter joyeux Noël dans ma langue maternelle, si vous permettez. Après, je vais traduire. Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ օրհնյալի հայտնությունը Քրիստոսի. Maintenant la traduction. Joyeux Noël, le Christ est né et apparu parmi nous. Soit bénie la naissance du Christ. Et maintenant, je vais vous présenter pourquoi on fête le 6 janvier cette fête qu'on aime beaucoup. Donc la question est pourquoi le 6 janvier ? Les Arméniens sont les chrétiens apostoliques, c'est-à-dire qui respectent la forme originelle du christianisme, apportée par les apôtres Thaddée, Simon et Barthélemy au 1er et 2e siècle. Au 4e siècle, Grégoire l'Illuminateur réussit à convertir le roi Tiridate, en arménien ça donne Tertat, au christianisme. L'Arménie est ainsi le premier État au monde à avoir adopté officiellement le christianisme en l'an 301. L'Église arménienne fête le même jour la Nativité et l'Épiphanie. Les rois mages arrivent le 6 janvier pour apporter des cadeaux à l'enfant Jésus le jour même de sa naissance. À Noël, en Arménie, les traditions sont respectées à la lettre. Chaque famille prépare majoritairement, selon le même rituel, chaque membre de famille a son rôle bien précis. Les traditions passent de génération aînée à la génération. Ils apprennent la cuisine arménienne à leurs filles et à leurs belles-filles qui devront préserver les traditions. En Arménie, la table de fête idéale est celle sur laquelle il n'y a plus de place une fois tous les plats présentés. Pour les Arméniens vivant en Arménie, à Noël, toute la famille se déplace à l'église puis se retrouve autour d'un bon repas. Le dîner du Noël est appelé Tatarman Yerekoi antique. Devant de chaque plat de ce dîner, on allume une bougie apportée, déjà allumée à l'église pendant la messe. Le plat le plus marqué est basé sur le poisson. On en mange rôti, cuit, à la vapeur, etc. Ensuite, il est coutume de manger un plat ou plusieurs à la base du riz, du blé ou de pâte arménienne qui s'appelle Arishta. Ensuite, on mange de la soupe préparée par le pois chiche, des légumes et des herbes. Ce plat résume un dessert à la base d'une ou plusieurs pâtisseries traditionnelles. Ce sont des plats qui ont un rapport symbolique avec la fête de Noël. Pendant ce dîner, un groupe de petits garçons vient pour annoncer la naissance de Christ et recevoir des cadeaux. On chante pendant la fête des chansons qui s'appellent « Bonne Nouvelle ». En arménien, ça donne « Avetis ». Encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël et je finis comme on le fait en Arménie, répétant « Christos tsanav yev haitnetsav orniale haitnutsuna Christosi ». Tout ça, ça veut dire « Joyeux Noël ». Ça veut dire « le Christ est né et apparu parmi nous, soit béni sa naissance ». Mais « Joyeux Noël ben... ». Joyeux Noël, c'est « Shnorhavos surp tsenund ». Et on répond impossible, c'est pas si bas, est-ce que ça se dit comme ça aussi, comme en Russie? Pas si bas, c'est en russe. Ah. En arménien, c'est Shnorakalutyun. Shnorakalutyun. Mais c'était déjà le même truc pour dire Joyeux Noël. Shnorhavor pour. Shnorhavor surp tsunun. Shnorhavor, c'est. Soit. On félicite, d'accord, comme ça. Surp tsunun. C'est Noël. D'accord. On va s'entraîner, promis. Moi, je me permettrai même pas de répéter parce que je crois que ça va être catastrophique. C'est pas terrible pour nous. Hein. Merci bien, en tout cas. Je vous en prie. On ne savait pas, donc tu nous as éclairé sur le Noël là-haut. Avec plaisir. Et du coup, tu ne retournes pas dans ton pays, tu es restée en France. Oui, et j'ai de la chance de fêter le Noël deux fois, Noël arménien et Noël français. Ah bah oui, puisque c'est le 6. Oui, c'est juste après. C'est après. Donc c'est après. Plutôt de la viande en France et plutôt du poisson en Arménie. Alors. Oui, tout à fait. Du foie gras en France et du poisson pour la fête de Noël arménien. Sympa. Alors on va changer de registre. On va passer au Shabbat d'Alex. Le Shabbat d'Alex, donc c'est Alex qui fait la matinale du lundi et qui fait également la matinale du samedi, qui reprend des musiques, des petits extraits de musique qui nous fait ça, des petits commentaires sur... C'est absolument ça, Solène. je te re-souhaite bonsoir. Ça me fait plaisir d'être à tes côtés pour cette émission. Et de nous retrouver à un créneau inhabituel. Ah oui, surtout. Parce qu'on est du matin, nous. On est très matinaux. Et c'est vrai que le samedi, c'est le petit plaisir du week-end. Donc dans 94.2, service week-end compris, même le samedi. Voilà, ça c'est notre slogan. Et à partir de 8h, bien entendu. Voilà. Alors, le Shabbat d'Alex, vu que nous sommes le 24 décembre, absolument. C'est un spécial Noël. Noël, voilà. Il est 21h22, si je ne dis pas de bêtises. Oui, t'as pas ta montre. oui, puisqu'on est dans le noir, là. En fait, on est en train de faire une veillée. Nous avons allumé des petites bougies. Et voilà, d'ailleurs, j'ai un petit peu peur, moi. Faut absolument pas, Rodolphe. Ne t'inquiète pas. D'accord. Tout va très bien se passer. Moi, je trouve ça chaleureux. Bonsoir chers auditeurs de Fadjet. Pour cette veillée particulière, Sue Hélène m'a passé une commande. Deux même, hein, parce qu'il y en aura d'autres d'ici minuit. C'est vrai. Il n'est pas question de préparation culinaire pour cette commande, car je ne suis pas traiteur, mais plutôt d'une chronique... Il fait des bons cakes. Bon, en fait, je dis que des bêtises dans mon texte, en fait. Donc, je ne suis pas traiteur, mais plutôt d'une chronique musicale intitulée Shabbat d'Alex. Et comme je n'ai pas l'habitude de passer aussi tard à la radio, je dors profondément à la même heure le reste de l'année, je vais vous expliquer le principe du Shabbat d'Alex que Sue Hélène avait déjà introduit. C'est une compilation de chansons traitant d'un thème ou d'une expression. Je suis anticonformiste. Hors de question de sombrer dans la facilité et de vous faire une chronique qui parle de Noël. J'ai donc choisi de vous parler d'une fête religieuse qui a lieu le 25 décembre et pour laquelle nous décorons un sapin avec des guirlandes électriques. Bon, qui est en fait mon Shabbat d'Alex aussi sur le thème de Noël. Quand on me parle de chansons de Noël, je pense tout de suite, non pas à Tino Rossi, parce que peut-être que ça brûlait dans vos esprits, mais à une œuvre caritative sortie l'année 2000 afin de soutenir la recherche contre le sida. Noël, ensemble, passé. Le collectif s'appelait Noël Ensemble et la chanson s'appelait Noël Ensemble. Et il y avait Johnny, non ? Et il y avait Johnny avec son fils. Ça fait déjà presque 3 semaines qu'il est parti, hein, mine de rien. Ça passe tellement vite. Ciao l'artiste. Ensemble, ils l'étaient également, les Poppies en 1971, pour nous parler d'un triste Noël. Effectivement, Sue Hélène, bonne réponse. Enfant, je voulais très heureux, pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître ce soir ou demain. Mais tout a continué, Ce n'est pas hyper joyeux le texte en effet, alors je vous propose d'écouter un autre collectif, Créole cette fois-ci, qui nous souhaitait joyeux Noël depuis la Martinique. On est à la radio. J'adore. Noël, joyeux Noël. Bon baiser de Fort-de-France. Rendons hommage maintenant. Il fait beau là-haut. Il est bon. Maintenant, rendons hommage aux femmes qui ont consacré une partie de leur œuvre à notre cher Papa Noël. Commençons par une douce musique pour s'endormir. Je rechaussais. Pour s'endormir. Oui, bah effectivement, elle était un petit peu plus rock'n'roll, tu vois. L'instant X, vous avez reconnu Mylène Farmer, bien sûr, avec ce titre de 1995 que l'on retrouve dans son album Anamorphosée. Une chanson très rythmée, joyeuse et pleine d'espoir. Ah, pauvre Mylène, même son chat est suicidaire. Les paroles ne précisent pas s'il a grimpé sur le sapin et qu'une mauvaise gestion de trajectoire l'aurait mené à passer par la baie vitrée. J'en profite pour rappeler aux propriétaires de chats qui auraient des fenêtres oscillobattantes de faire attention à ne pas les ouvrir dans ce mode car le chat peut rester coincé. Voilà, même ça si c'est... elles sont hautes. Oui, puis c'est confirme, ça m'est déjà arrivé moi en fait qui... De ton chat ou toi-même? Non, moi je passerai pas, mais mon chat. Ils ont, franchement. Bah, ils veulent aller vers l'extérieur et ils prennent voilà, les sorties qui sont ouvertes. Certes, ça peut faire rire quand on est triste comme Mylène, mais c'est douloureux pour le chat tout de même. Quand les termes Noël et voix féminine traversent mon esprit au même moment, je pense tout de suite à une diva américaine. Et qui, je crois, va passer bientôt. Elle va passer dans le studio. Oui, c'est Maria Carré, on l'a invitée. Le moyen qu'on a. Wow. Alex, tu as un déhanché non mais c'est... magnifique. C'est fou. Un épaulé, parce que déhanché, là, il faut un peu. Tu non, as mais peu c'est le... rien, là. Oui, c'est stuff. Tu es le John Travolta de Fadjet, en fait. Il est fatigué, là. Le matin, le samedi matin, il faut le voir. J'ai des vidéos pour elle, preuve. Hein. Elle a du dossier sur moi et ça me fait rire on de les veut revoir. Voir, on veut ah, voir. Mais y a pas de soucis, je vous Oui, mais je t'autorise. Ça sera sur la page Facebook de Fadjet. Oh, mais c'est déjà fait. Sur ma page. Par contre, c'est pas que Maria Carré qu'on va passer, il y en a deux autres aussi que tu m'as piqué. Ah bah je suis désolé, mais sur le thème de Noël, oui, bah oui. Évidemment, on était obligé de se chevaucher dans le choix des titres. Maria Carré, donc, avec All I Want for Christmas Is You, sorti en 1994. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, nous confie-t-elle. Sans transition, est-ce que vous connaissez Marie-Noël? Non. Vous connaissez pas Marie-Noël? Eh bien, c'est Jacques Dutronc qui va nous la présenter. Ah, bien sûr. Ouais, tu nous fais aussi Saint-Nicolas. Hein. Oui, tard, hein. C'est absolument. Absolument. Et c'est le mélange des fêtes. Je termine ma... C'est quand même proche. Ah oui, à quelques trois semaines près. Oui. Non, mais... Saint-Nicolas, Noël. Oui, bon. On est au moins dans le même mois de l'année. C'est ça. Concentrons-nous sur le mois de décembre. Même la couleur. C'est même la couleur, même la tenue. Je me demande même lequel a copié l'autre. C'est ça. On interrogera des spécialistes de la mode plus tard dans cette émission. Je termine ma chronique avec une chanson de Balavoine qui s'adresse au Père Noël. Oui, oui, je vois ton regard suspicieux, Swellen. En train de faire, et donc il s'adresse au Père Noël qui est en train de faire sa tournée et qui aperçoit la ville depuis son traîneau sous ses rênes. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards. Voilà, c'était ça une. Mais t'étais la chercher loin. Oui, je t'assure que je suis allé la chercher loin. Je l'ai entendu. Alors, à un autre moment que. Ah, bien avant que tu me passes cette commande. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, souterraine. C'est souterraine du Père Noël. Voilà, c'était ça. C'est une chute de moyenne classe, je reconnais. Il est donc temps pour moi de vous abandonner un petit moment pour partager la dinde avec mes camarades de la radio. Très bon Noël. En notre compagnie sur Fadjet. Merci bien, Alex. Bah justement, on va écouter Maria Carré avec All I Want for Christmas Is You. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care. I just want you for my passer le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël! De retour dans l'émission spéciale Noël. On va, alors on est le 24, mais bon, il y en a qui vont peut-être rester chez eux le 25, qui vont peut-être regarder ah la oui, télé. Ah oui, demain je reste chez moi. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder Eh bien, oui, en effet, je vous demande un effort d'imagination. On est déjà demain, il est donc lundi 25 décembre, il est 20h, 20h30. Votre belle-mère Chantal est enfin partie. Vous avez la tête lourde à cause des blagues salaces de Tonton Denis. Et en plus, c'est ah les oui, mêmes Tonton blagues. Tonton Denis, mais chaque année, c'est... C'est les mêmes blagues que l'an dernier, mais c'est ça qui est terrible. Vous en avez marre aussi des débats politiques sans fin entre le beauf Patrice et Papy Jean-Michel. Vous avez enfin terminé de fabriquer... Je suis plutôt du côté de Jean-Michel, tout de même. Je partage plus ses idées. Ouais. Vous avez enfin terminé de fabriquer le jeu du petit dernier en recevant la notice japonaise mal traduite en français. Vous digérez difficilement le pâté lorrain, le foie gras, les escargots, les huîtres, le chapon farci, la bûche et les vins de toutes les couleurs. Bah parce que moi, je les empile. Bah moi aussi. Et donc je mange très rapidement, du coup, je suis un peu malade. Il faut bien sûr consommer ce vin avec modération. Tout en vous disant que vous allez manger des restes jusqu'à la Saint-Sylvestre, vous êtes inquiet pour ce que va dire votre conjoint. Et votre tu vas conjoint... recommencer à la Saint-Sylvestre. Donc vous êtes inquiet pour ce que va dire votre conjoint, votre conjointe, que vous allez lui annoncer, que vous souhaitez revendre l'atroce cadeau de Tati Claudine. Et vous vous dites que votre seul bonheur, là, ça serait de vous effondrer dans votre canapé. Elle va pas pour... être contente, Tati Claudine. Ah non, ça c'est sûr, pour vous glander devant la téloche. Mais en fait, vous n'avez même pas le courage de chercher ce qu'il y a au programme. Eh bien, vous avez bien fait de regarder Fadjet ce soir, parce que je suis votre speakerine. Je t'ai attendu, Rodolphe. Mais je sais bien. Je sais toute l'année, je t'attends, Rodolphe. Toute l'année, il m'attend. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a le 25 au soir, parce que je veux regarder la téloche. Oui. Est-ce que ça se dit encore téloche? Alors, nous, on a le droit, parce qu'on a dépassé chez peut-être... Chez les vieux, quoi. Voilà. D'accord, c'est merci. C'est une génération. On se sent soutenu, merci Isabelle. Donc demain soir à la téloche, et bien sur France 2, il y a tout d'abord les trois premiers épisodes de la saison 1 de la série anglaise de 2016, Guerre et Paix, qui est une adaptation du célèbre roman de Guerre et Paix, Léon Tolstoï. Vous êtes nul. Ah oui, on est nul. Sur... Alors on n'est pas assez vieux. Oui, non mais moi non plus. Sur France 3, il y a le 41e Festival International du Cirque à Monte-Carlo. C'est présenté par Cyril Ferraud. Et il y a plus de 100 artistes originaires de 16 pays. C'est de l'inédit. Oh bah j'imagine que c'est pas le 25 au soir, mais, non, c'est de l'inédit, oui, bien sûr. L'inédit. Ça se passe toujours à ce moment-là dans l'année. Alors 100 artistes originaires de 16 pays qui vont s'affronter pour obtenir les clowns d'or. Sur M6, on a la comédie fantastique Nanny McPhee. Avec Emma Thompson. Mmh. D'accord. Voilà, donc pas de commentaires. Ouais, oui, voilà. Non, je j'ai également pas. Fait une sélection TNT. Il y a trois programmes empreints de nostalgie parce que c'est un peu la période. Bah, tout d'abord, il y a le magnifique film américain Autant en emporte le vent. Ah. Est-ce que vous savez de quand ça date d'ailleurs 1939 ou quelque ouais, chose. Ouais, tu as lu sur ma feuille. Tu as je jure que non. Eh bien, bravo, franchement, bravo. C'est 39. Ça date de 39. Ah, joli. Bravo. Wow. Alors, ça date je me de 39, moi-même. C'est vrai. J'en ai des frissons. Oh, oui, c'est vrai. Mais, non, mais, okay, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ça dure 2h30. Ça se passe à l'aube de la guerre de sécession. Je croyais que c'était plus long que 2h30, moi, ouais, tu vois. Non, 2h30. Ah non, tu as raison, 3h30, 210 minutes, c'est 3h30, j'ai mal compris. Je me disais que c'était bien pas joué, loin c'était des voir si tu suivais. Ça se passe à l'aube de la guerre de sécession, mais surtout c'est avec les grands Clark Gable et la sublime... Vivien Leigh. Vivien Leigh, et là tu es pas, et là, tu es pas vieille. Ok, d'accord. Tu l'as vu au cinéma? On avait... Non, elle était sur le tournage. Je suis choquée. Sur Paris Première, on a un film des années 80, La Vengeance du Serpent à Plumes avec... Un serpent à plumes. Coluche, bien sûr. Avec Coluche, et c'est de Gérard Rouy. Sur C8, l'émission H-Tendre, la croisière des idoles. C'est un concert qui se passe sur un bateau. C'est animé par Christophe de Chavannes notamment. Et on retrouve des tubes mythiques comme Vanina, DSCO, L'Orital ou encore Le Géant de Papier. J'adore Le Géant de Papier. Quand je la regarde et que mon cœur d'acier devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Allez, on coupe ça. Avant de vous parler de mon coup de cœur, je vais quand même faire un petit programme pour les couches tard ou pour ceux qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont finalement ronflé. Bah, déjà après ce soir, hein, ouais. Demain on sera tanné. C'est vrai, donc on va dormir toute l'après-midi et être en forme le soir. Sur TMC à 22h25, Le Cerveau, un film avec Bebel, on en parlait tout à l'heure. Bebel, Belmondo, pardon. Je suis né en 1972, donc je l'appelle Bebel. Il y a aussi Bourville, et c'est un film que j'ai adoré quand j'étais petit. Mais mon coup de cœur à la Taloche demain soir, eh ben, je vais essayer de vous le faire deviner. C'est un film, c'est sur TF1. Je vous raconte le pitch, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, le pitch. Le petit héros de cette aventure vit avec ses parents et ses grands-parents dans une vieille maison délabrée. Chaque soir, avant de s'endormir, il aperçoit la formidable et mystérieuse usine qui alimente ses rêves alors que personne Charlie ne s'en doute. Charlie et la chocolaterie. Bien joué, Sue Ellen, c'est ça. J'ai enfin répondu à quelque chose. Un jour, le propriétaire de cette manufacture fait une annonce fracassante. C'est qui le propriétaire de cette manufacture ? Johnny Depp. Mais oui, mais son, le nom du personnage. Willy Wonka. Oui, voilà. Willy Wonka, bien joué. Eh bien, Willy Wonka, il fait une annonce fracassante. Il ouvre les portes de sa célèbre usine et en révèle tous les secrets à 5 enfants qui auront déniché les tickets d'or qui sont dissimulés dans quoi ? Dans des tablettes de chocolat. Dans des tablettes de chocolat. Donc, bien sûr, vous l'avez deviné, bien joué, Swellen, c'est Charlie et la chocolaterie. C'est un ça, film c'est fantastique. Sympa pour Noël. Mais c'est les autres, bof. C'est un fantastique. Bah, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur d'ailleurs. Vous regardez le TF1. Bah, c'est un fantastique film fantastique de 2005. De. 2005. De qui est le réalisateur ? Tim Burton, bien sûr. C'est pas celui qui fait les chaussettes, c'est l'autre. Avec ses acteurs fétiches, Johnny Depp et Helena Bonham Carter, c'est à TF1 et là, c'est sûr qu'on va être addict au chocolat après ça. On va déjà les attaquer ce soir. Moi, j'en ai déjà mangé plein. Bien longtemps. Est-ce que vous avez mangé votre dernier chocolat du calendrier de l'Avent ? Voyons, ce matin. Ce sera Oui, mais on sera pas dépêche-toi 25, hein, parce que avec, si on va se mettre après, enfin pardon. Parce qu'il est quand même 21h41. Hein. Je crois qu'elle va le prendre demain son petit chocolat. Peut-être. Merci bien. On va poser quelques questions. Oui, allez, vas-y. Nous sommes prêts. Alors, une petite citation. Quel humoriste a dit « Noël est le seul jour de l'année où les hommes se conduisent comme des oies du Périgord, mais sans se forcer ?» Coluche, Pierre Dory ou Doris, je sais pas. Et, donc c'est pas lui a priori. Pierre, comment ? Desproges. Vas-y. Moi je dirais Pierre Desproges. Alors tu lèves la main. Mais oui, mais les auditeurs ne te voient pas. Ah pardon, tu m'as pas dit vas-y, j'ai cru. Bah dis, je lève la main. Ah pardon, je devais dire si bonjour, je lève la main, je suis Rodolphe. Je vais donc dire Pierre Desproges. C'est une bonne réponse. Un point pour Rodolphe, et hop. Et toujours deux pour Alex. Je vais aller cuisiner ma dinde. Bon, elle est déjà faite depuis un petit moment, hein, de Noël bien sûr, avec quelques ingrédients. Vais-je la faire ? Des marrons, du foie gras ou les deux ? Ah bah, il y a toujours plein de nuances dans une recette, donc est-ce qu'il y a une vérité absolue ? Ah c'est toi, c'est une question sur toi en fait. C'était une question que j'ai trouvée, mais je... Voilà, enfin après... Bah, de toute façon, quand on va dîner chez toi, là, tout de suite après l'émission, donc c'est une dinde, a priori oui, je lève la main, je m'appelle Alex, et je pense que tu vas utiliser des marrons. Eh ben non. Eh bien, je lève la main, je m'appelle Rodolphe. Moi, je pense que tu vas mettre les deux parce que tu es gourmand. C'est ça. C'est ça. Allez, Douce Nuit, Sainte Nuit est un chant de Noël chanté pour la première fois le 24 décembre 1818. Ça remonte, hein. Mais dans quel pays ? Alors, j'ai un petit extrait. Oh, Douce Nuit. Donc ça date de 1818, la première fois qu'on entend que cette musique a été chantée. Mais dans quel pays ? Je m'appelle Rodolphe. Oh, c'est bon. La République, en Tchécoslovaquie, enfin en République tchèque à l'époque. Non. Vous voulez Est-ce le continent que tu peux nous dire ? Est-ce en Europe ? Est-ce en Asie ? Alors je vais vous donner... non, je vais pas, je peux pas parce que ça va donner... Ah mince. Donc je vais vous donner trois... Proposition. Alors, aux États-Unis, en Italie ou en Autriche ? En Italie. Non. Et en Autriche ? Non. Eh bien, je suis Rodolphe. T'avais déjà répondu, toi. T'as pas dit qui t'étais, j'ai en plus. J'ai pas dit qui j'étais, je suis Isabelle. C'est bien, donc, aux États-Unis. Le 25 décembre en 1967. Plus proche de chez nous. Oui, on n'était pas nés. Quelle animatrice de télévision voit le jour à la Garenne Colombe dans les Hauts-de-Seine? Alors, tout à l'heure, Pierre, il a dit des anniversaires, mais qui, il ne l'a pas dit. C'est quelqu'un qui a 50 ans, une animatrice. Allez, je tente ma chance. Vas-y. Rodolphe, Sophie Davant. Non. Oh, elle est plus vieille que ça. C'est une animatrice. Hein, donc. T'es jalouse, c'est pour ça, parce qu'elle est belle. C'est une animatrice. Est-ce qu'elle passe encore à la télé? Je ne la vois pas trop en ce moment. D'accord. Donc, souvenez-vous, il y a 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que vous regardiez à la télévision? Est-ce que tu peux nous faire le programme télé, Rodolphe, de 1992? Vous voulez peut-être des propositions? Une couleur de cheveux. Elle est quoi, brune? J'en sais rien. Brune, j'en sais rien. Non, alors, Laurence Ferrari, Karine Le Marchand ou Carole Rousseau? Ah, les trois, c'est possible, les trois par rapport je à. Je suis l'âge. Isabelle, Karine Le Marchand. Non. Non, elle aurait dit qu'elle je était brune. Je suis Alexandre Carole Rousseau. Carole Rousseau. Oui, c'est sûr, parce que Laurence Ferrari, elle est bien blonde. Ah oui, c'est vrai. Elle est un peu plus jeune, je pense. Brune. Exact. Voilà. Allez, une petite dernière. Quel poète, romancier et critique d'art a écrit ce poème intitulé Noël, dont voici les quatre premiers vers? Le ciel est noir, la terre est blanche, cloche carillonnée gaiement, Jésus est né, la Vierge penche sur lui son visage charmant. Je m'appelle Alexandre John. C'est un peu fort. Johnny Hallyday? Non. Un poète des temps modernes? Non, non. Des propositions? Oui. Oh, oui, oui, oui. Alors, Victor Hugo, Théophile Gautier ou Alfred de Musset? Eh bien, je m'appelle Rodolphe, je vais dire Victor Hugo, puisqu'on dit que Johnny était le Victor Hugo des temps modernes. Donc, Victor Hugo? Non. Moi, j'aurais dit Théophile Gautier. Oui. Un point pour Isabelle. Bonne réponse, Isabelle. Bien joué. Tu restes parmi nous dans ce jeu. J'ai enfin mon premier point. Bien. Allez, un petit peu de musique avec Confettis et Jingle Bells. Chaminé, Saint Noël chante le vent. passer à une petite question que j'ai posée aux enfants toujours de la même école, de la même classe, donc des CM1, une école de Nancy. Il s'agit d'Elias, Amy, Laurine et Mathéo. Que préfères-tu à Noël ? Je préfère décorer le sapin parce qu'on est tous en famille. Et du coup, c'est bien parce qu'on se rapproche tous. Et c'est mieux pour l'air de famille, on se dispute moins. Passer du temps en famille, décorer le sapin. Et puis les cadeaux, c'est pas le plus important. Moi, mon moment préféré, c'est quand la famille elle arrive, quand on décore le sapin. Puis quand on passe beaucoup de temps ensemble. C'est quand on décore le sapin et puis aussi quand on l'allume. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Alors, Isabelle, tu vas nous parler d'où ça vient, mais d'où ça vient quoi ? Eh bien, vous allez voir. Alors, normalement, dans la matinale du vendredi matin, j'ai pour habitude de décortiquer une expression française et d'en expliquer l'origine. Aujourd'hui, je vous avoue qu'après avoir cherché longuement, je n'ai trouvé aucune expression liée à Noël ou aux traditions de cette fête. Bon, enfin, plus précisément, les rares expressions ayant un rapport avec Noël n'étaient pas très gaies et ne reflétaient aucunement l'esprit jovial et convivial de cet événement. Je me voyais mal étudier l'origine de la locution « ça sent le sapin », par exemple. Oui. Ah, et je crois savoir d'où ça vient. Justement, je m'étais posé la question, sans déconner, la semaine dernière. D'accord. Et apparemment, c'est un lien avec le matériau qui sert à construire des cercueils. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, c'est pas très joyeux, effectivement. Non, pas très gai. Salut Noël. Du coup, j'ai décidé de changer de cap pour cette émission spéciale et de me pencher sur les fondements de l'une des traditions de Noël, la crèche. En effet, pourquoi de nombreux foyers aujourd'hui ont pris l'habitude de placer sous un toit des petits personnages miniatures tout près du sapin ? Eh bien, il s'agit en réalité d'une coutume très ancienne dont l'histoire a évolué d'une façon étonnante au gré des cultures et des époques. Dans la religion chrétienne, la crèche de Noël est une mise en scène de la nativité, c'est-à-dire de la naissance de Jésus, telle qu'elle est racontée dans les évangiles. Selon saint Luc, Jésus est né dans une étable et a été déposé à sa naissance dans une mangeoire, ou crypia en latin. C'est ce mot latin qui est à l'origine du mot crèche. Dès le 3e siècle, les chrétiens vont vénérer une crèche dans une grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu de naissance de Jésus. Au Moyen-Âge, des pièces de théâtre et des tableaux vivants étaient joués dans les églises pour représenter la naissance du Christ. Mais la tradition de la crèche de Noël, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été instaurée par saint François d'Assise au début du XIIIe siècle. En effet, en 1223, celui-ci organisa une crèche vivante dans son église de Greccio en Italie. Les personnages étaient joués par des habitants du village et les animaux étaient réels. Cette coutume s'est ensuite répandue dans toute l'Italie avant de gagner une grande partie de l'Europe. Peu à peu, les crèches vivantes ont été remplacées par des crèches de figurines en cire, en terre cuite ou en porcelaine. Au XVIe siècle, ces crèches font leur apparition dans les églises sous l'influence des jésuites. La crèche familiale serait née quant à elle au XVIIe siècle. Et en France, c'est la Révolution qui a permis le développement de cette tradition dans les maisons, puisqu'il était interdit de représenter en public des scènes religieuses. À partir du XIXe siècle apparaissent les crèches provençales et leurs célèbres santons de Provence. Ceux-ci représentent non seulement les personnages de la nativité, mais aussi tous les métiers de l'époque en costume local. De nos jours, la tradition des crèches s'est répandue dans le monde entier, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Voilà, vous êtes désormais incollable, sur la genèse des crèches de Noël. Et je stoppe là ma chronique, car même si la maison Fadjet est un lieu agréable et convivial, je vais éviter d'y crêcher toute la nuit. Est-ce que tu as une crypia, je ne sais plus comment tu as... Une crypia, tu as fait ta crypia? Non, je ne fais pas de crypia. Ah, bon, d'accord. Voilà. C'est dommage, parce que j'aime bien les crypes, moi. Les crypes au Nutella. Et vous, est-ce que vous avez fait une crypia? Une crypia party. Ouais. J'invite des amis. Non, on ne fait pas, de crypia. Non. Voilà. Non, moi je ne l'ai pas mise. Elle est au fin fond de mon cellier. De ton cellier, d'accord. Bah, il va falloir... Tu as un an pour la sortir maintenant. Ça fait 2 ans en fait qu'elle est au fin fond du cellier. Tu veux qu'on t'aide tout à l'heure quand on viendra déguster la dinde avec toi? La dinde au marron et au foie gras. En fait, il y a tellement de choses que... Ah, mais à plusieurs, on va t'aider. Là. On est 30 en bas. Oui, mais c'est petit en haut, donc voilà. Bon, on se relaiera. Allez, une petite musique, la compagnie créole que tu nous as passée. C'est vrai dans le cheval d'Alex. Ah bah oui, je l'avais prévu. Ah, ah j'adore. Conducteur. On va danser, Alex. Donc, bon baiser de Fort-de-France. C'est l'heure du changement d'animateur, dites donc. Il est 22h ou presque sur l'antenne de Fadjet et nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une émission spéciale Noël. On fait le réveillon ensemble et Valentin m'accompagne pour cette deuxième heure. Bonsoir Valentin, tu as mangé de la bûche? Oui, exact, elle était très très bonne. Et bonjour à tous. Et tu ne m'en as pas apporté une part. Parce que je suis trop gourmand, donc j'ai tout gardé pour moi. C'est pas très simple. C'est pas grave. C'est gentil. Pour l'an prochain. D'accord, ok. Bah, rendez-vous en 2018 alors du coup. Autour de la table, nous avons Laure. Bonsoir, je vais te mettre ton micro, ce sera tellement plus sympa, vas-y. C'est vrai que c'est plus simple, c'est le micro. C'est plus agréable. Tu es dans la matinale, je crois. La matinale du jeudi. Car on ne se connaît pas, et c'est ça qui est bien dans cette émission, c'est qu'on va se croiser tous, parce que, on l'a dit tout à l'heure, Fadjet, c'est une grande maison, et on passe pas tous au même moment dans la maison, donc on ne se voit pas toujours. Et nous avons Gertrude également, plus connue sous le nom de Cathy, bonsoir. Bonsoir. Et Cathy, tu es où, toi? À quel endroit dans la grille? Sur la planète Mars. D'accord, très bien. Non, plus exactement, je suis le jeudi avec Laure dans la matinale de service compris. Donc nous bonjour avons l'équipe du jeudi, en... pas au complet, mais on est pas mal, parce que Valentin, tu fais jeudi aussi des fois, toi, je crois. Ah, c'est très exceptionnel, mais j'aime bien leur donner un coup de main quand le besoin s'en fait sentir. Je te reconnais bien là. Jérôme est encore avec nous, et ça, on est content. Oui, toujours là, toujours là. Il y a Génération VHS, un jeudi par mois. C'est avec moi. Ouais, et j'aime bien de venir aussi faire un petit tour le jeudi de temps en temps. Et Music and the City, c'est lundi. C'est le lundi, pour le coup, c'est le lundi. Et nous, on fera un crossover. On a fait un crossover, pardon. C'était bien. Oui, c'était bien. Oui. On est le 24. On va le faire. Il est enregistré. On va le faire. Ce sera le 28. Je dis bêtises. Ce sont des choses qui arrivent. On voit qu'on est en plein dedans. Je ne sais absolument plus où je suis. Pierre nous a rejoint. Il va nous parler de quelque chose dans un instant. Mais je ne sais pas encore de quoi. Dis-moi tout. Eh bien, c'est un réveillon spécial lambda. Aïe, calamba. Que ça peut bien être. Dis donc. On va le savoir dans quelques instants. Mais avant, on va faire un blind test, mes enfants. Alors là, je vais vous dire. Vous allez souffrir. Je ne dirais que ça. Voici donc. Je suis pas venu ici pour souffrir, monsieur. Ok. Allez, blind test. 5 titres à retrouver, que des titres de Noël, des chansons réinterprétées, bien évidemment. La question est de savoir qui chante. Donc, vous dites juste votre prénom, tout simplement. D'accord. Vous dites votre prénom quand vous avez une idée. Ça fait bizarre, hein, ça me fait bizarre de répondre à un blind test, c'est tu vois. Toi le spécialiste du blind test normalement. Ouais. Ça change un peu, écoute. Exactement. Et moi je dis lequel de prénom, Gertrude ou Cathy? Gertrude, j'aimerais bien Gertrude. Moi j'aime bien, ça fait très ambiance. C'est plus long à dire Gertrude. Oui, mais ça fait ambiance de Noël germanique, c'est très bien. Arceau. Okay. Donc Pierre, Laure, Gertrude ou Cathy, comme tu veux, c'est toi qui gères. Jérôme, mais pas Valentin parce qu'il est réponse sous le nez. Ouais, c'est un peu plus facile du coup pour moi, forcément. Parce qu'on se tient chaud dans le studio en fait. On est dans un tout petit studio, mais on est 6. Et on est bien. C'est pas le bon écran, laisse tomber. Tu le verras pas. Allez, premier titre, vous balancez votre prénom dès que vous avez une idée. Et on laisse tourner, bien sûr, la chanson pour les auditeurs. Parce que sinon, ils n'auront pas le temps de trouver. Voici le premier titre. C'est les Brigitte. Gertrude. Alors c'est perdu, car tu n'as pas donné ton prénom, mais oui, vas-y. Effectivement. Vas-y. C'est les Brigitte. C'est les Brigitte, effectivement, bravo. Extrait de l'album encore, d'ailleurs je crois que c'était sur le CD qui était sorti un petit peu plus tard, quand le CD a bien marché, on remet des titres dessus. Et c'était le cas pour ce Noël Blanc, j'en parlerai tout à l'heure, tiens, de Noël Blanc, je vous raconterai un peu l'histoire de cette chanson. Voici le deuxième titre. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Alors, je vous donne quelques indices quand même pour essayer de trouver. C'est un groupe plus connu dans les années 50 et 60. Mais oui, un groupe noir américain génial, ça vous dit rien? Oh, tu nous fais partir dans des vieux trucs là. Mais bien sûr, sinon c'est trop facile. Oh là là. Oh là là. Autour de la table, ça vous dit rien? C'est hyper compliqué. Moi, je suis sûr que les auditeurs derrière leur radio, ils ont trouvé. Je réalise l'horreur que je fais subir aux chroniqueurs dans Génération VHS avec ces blind tests. C'est affreux. C'était les To Be Free. Même pas les Platters. Effectivement. Je connais pas. Bon, on va se rattraper avec le troisième. Celui-là, il est très facile. C'est une question de rapidité. Je rappelle que vous donnez votre prénom si vous trouvez. Les petits s'entendent quittent la boîte de carton. Naïvement dévotement. Oui, Jérôme. Qui es-tu? Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai plus le prénom, mais De Vos? Non. Le chanteur de Noël. Gertrude. Gertrude. Tino Rossi. Très bien. Quand même, Noël des petits santons sorti en 55, si mes souvenirs sont bons, réédité en 78 sur le fameux album de Noël de Tino Rossi qui s'est vendu à nombreux exemplaires, des millions, des milliers et voire des milliards, puisque c'est une des plus grosses ventes en France, cet album-là. Et dans le monde. Je crois que Tino Rossi fait partie du top 10 des chanteurs les plus vendus dans le monde. Top 3 en France, pour les chanteurs français. C'est assez impressionnant. Oui. Un quatrième titre peut-être. Allez, vas-y. Alors, c'est votre génération à tous. Un jeu, je peux pas faire mieux. C'est merveilleux de voir des filles. ville en commun des copains. Oui. Gertrude, Gertrude. Ouais. Rock voisine. Oui, bien sûr. Son album de Noël en 2006, déjà, dites donc, avec quelques très grosses reprises, Noël Blanc, Petit Papa Noël, le Noël des Petits Santons, je crois, était dedans aussi. Puis cette chanson qu'on connaît plus en anglais qui s'appelait Sleigh A Ride, j'ai très mauvais accent anglais, en français c'est plus facile, ça s'appelait Promenade en traîneau. Le dernier pour ce petit passage avant que Jérôme fasse une petite chronique sympathique. T'as envie, toi, hein? Ah bah ouais, ouais, ouais, je suis au taquet là. Allez, et ben le dernier, c'est un acteur qui chante. C'est assez facile parce que la voix est reconnaissable. Le père est bien tranquille, bon ouvrier, bon artisan. C'était le meilleur de la ville pour faire les tables et les bancs. Tôt le matin dans son écharpe. Un acteur comique. Avec le bois de l'olivier. Un barbu, il est mort il y a une dizaine d'années, j'ai porté le deuil. Oui. Jérôme Carlos. Jean-Yann. Non, vas-y. Jean-Yann. Jean-Yann, ah, bravo. Ouais. Mais t'as pas dit ton prénom avant. Ah oui, c'est Johan, allô. Johan, attends, mais Jean-Yann. Il est disqualifié. Eh ben, mine de... J'étais pas là quand vous avez raconté les règles, alors. Mine de rien, c'est notre ami Cathy qui a gagné ce premier blind test. On en fera un autre tout à l'heure. Bravo. Bravo. Merci, merci. Nous sommes impressionnés. Un jour il rencontre Marie. On n'entend pas assez Jean-Yann, je trouve, à la radio. Allez, on va passer à une magnifique chronique. Et cette chronique, c'est mon ami Jérôme qui l'a fait en plus. Donc tout va bien. Jérôme, tu vas nous faire une sorte de billet d'humeur, quelque part. Oui, bah complètement. Mais avant toute chose, avant ce billet d'humeur, il est quand même bon de resituer un petit peu le contexte de mon travail à Fadjet, parce que vous allez mieux comprendre du coup cette chronique et ce billet d'humeur. Il faut savoir que je suis chroniqueur sur Génération VHS depuis la création en mars 2016, enfin un petit peu de pub en même temps. C'est une émission qui revient tous les premiers jeudis de chaque mois sur la culture populaire des années cassettes vidéo que vous avez tous connues autour de cette table, j'espère. Ah oui. Sinon, ça voudrait dire que je suis un dinosaure. À savoir, la fourchette de temps, c'est entre 1975 et 99. Alors, toutes ces années que j'affectionne de dire, c'était mieux avant. Mais je suis aussi animateur et créateur de l'émission Music in the City que l'on peut entendre chaque lundi soir, on l'a dit tout à l'heure, de 19h30 à 20h sur Fadjet, où je passe plein d'artistes, tout ça. Bon, vous avez qu'à écouter. Plein, plein, plein. On va passer à autre chose. Ça, c'était vraiment pour me situer. Ce soir, je vais faire un beau parallèle entre ces deux émissions sur Fadjet et la question, justement, existentielle, j'ai envie de dire, de savoir si Noël, c'était mieux avant, ou si c'est mieux en 2017. D'ailleurs, comme ça à froid d'ailleurs, est-ce que pour vous c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Alors, poisson ça... rouge. Ça... Complètement. J'ai aucune réaction. Moi je dirais que, j'ai dit que c'était mieux avant quand même. C'est mieux avant aussi. Mieux avant quand même. D'accord. Moi je défends le mieux maintenant. Ce sera peut-être mieux après, je pense. On reviendra l'année prochaine. Alors, personnellement, je resitue encore une fois, je suis né en 1987. Mais tu es vieux ! Voilà, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai 30 ans aujourd'hui, ce qui signifie que j'ai approximativement 160 ans en année chien. Ça, faut le savoir. C'est pour la petite info. Bonne stat. Ouais. Et en 160 ans d'année clébard, eh ben, tu peux te dire que t'as quand même le temps de découvrir pas mal de choses, surtout quand tu vis à notre époque, parce que tout va très très très très vite. Donc prenez place, on embarque dans la DeLorean tout de suite. Déjà pour moi, Noël, qu'est-ce que c'est? C'est quasiment déjà un synonyme de Tortue Ninja. Ah. Ouais, Noël, c'est la Tortue Ninja. Oh oui, c'était trop bien les Tortues Ninja. On est d'accord. Bizarrement, quand on m'évoque le grand barbu, moi je tilte un petit peu sur les égouts et les pizzas, parce que La Folie des Tortues est arrivée en France en 1989, donc j'avais 2 ans, et le plus vieux cadeau de Noël dont je me souviens, c'était les 4 figurines des tortues et une peluche de Leonardo. Leonardo, donc, c'est le leader, c'est celui qui est bourré de courage, plein de bon sens, un chef posé, qui analyse toutes les situations et sur qui tu peux t'appuyer quand il y a un problème. Et ben là, en fait, déjà tout de suite, il y a un couac hein, de la part de mes parents, je pense, parce qu'ils m'ont offert ce Leonardo, mais avec les années, ils auraient mieux fait de m'offrir Michelangelo, ouais, le gros qui bouffe que des pizzas toute la journée. Mais c'était la quelle couleur, Leonardo, le bandeau bleu. Le bleu. Le bleu, comme ton micro. D'accord, et l'autre? Alors t'avais Raphaël. Il était rouge, Raphaël. Rouge, Raphaël, ouais. Donatello, le violet, et Michelangelo, le orange. Voilà. D'accord. Donc moi, je suis le gros Michelangelo. Mais Noël, c'est surtout de la musique. Chaque année en décembre, c'était l'occasion pour mes parents de nettoyer un petit peu la platine vinyle. J'embrasse Gaëlle. Merci. Et de s'acheter une tonne de 33 ou de 45 tours. Mais merci. Pour ceux que je t'ai offert. Ouais, exactement. Surtout. Mais en 1996, apparition dans le salon d'une énorme boîte noire. Je me demandais un peu ce que c'était. Une Chenifi. Alors, waouh, t'as 9 ans, tu découvres le compact 10 avec Khaled et sa copine Aïcha. Alors que toi, tu te crevais en boucle tes vieilles cassettes audio de Dorothée sur un petit poste lancé qui crachait à peine un murmure parce qu'il n'y avait pas du tout de volume. C'était le poste rouge avec le micro à côté. Moi aussi, tu l'as eu. Moi aussi, je l'avais. Trop bon. On l'a tous eu. On l'a tous eu. Mais t'étais quand même content. On a commencé la radio avec ça. Ah, ben complètement. Oui. Moi, j'étais super heureux parce que justement, j'en viens, tu vois, je pouvais faire des enregistrements à gogo sur des cassettes vierges ou encore effacer les vieilles cassettes de Samantha Fox de ma mère. Ah, c'était quand même bien celle-là. Et bim, c'était l'engueulade, mais bon, t'étais quand même content de ta connerie. Noël, c'est aussi la découverte des séries télé, avec l'arrivée de Canal Satellite. Noël 1998, t'as 11 ans, t'es le seul gamin du village vosgien perdu entre deux montagnes et avoir Disney Channel à la maison. Là, tu te la joues, tu te la racontes. Et d'un coup, bah, bizarrement, j'ai eu plein de potes. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une vie sociale, dis donc. Et la découverte... complètement. Découverte de toute une culture geek, avec des séries genre Parker Lewis, Incorrigible Cory ou encore Chair de Poule. Là, t'as les mangas aussi qui débarquent du Japon, c'est génial. Bim, l'intégrale de Pokémon à la sortie, ça passait en boucle sur Fox Kids, moi je kiffais. Et l'année là, justement, bah voilà, c'était l'année de l'arrivée des Pokémon. Alors claque ta version rouge sur la liste de Noël, mais tu te retrouves avec la version bleue, donc tu comprends pas trop. Encore une fois, tu t'en fous parce que toi, t'es trop content d'attraper plein de bestioles virtuelles et puis de défoncer le conseil des 4 à la fin du jeu. Donc, merci papa, merci maman. Noël, c'est aussi les sourires des parents, justement, quand tu ouvres ton cadeau. Encore plus intense des grands-parents, qui n'a pas de prix, et le must du must, celui de l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère qui tape dans le mille tous les ans. Et quand t'es gosse, tu te dis que la grand-grand-maman, eh ben, elle est super à la page parce que maman et papa, ils font la tronche dès qu'elle t'offre quelque chose parce que t'es tout super content. Alors, ouais, alors je voulais aussi parler de mon frangin, autant lui en parler de lui. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse d'ailleurs, qui sans doute nous écoute depuis la pièce d'à côté, mais moi j'adorais me pavaner devant son nez en lui montrant tous mes cadeaux. Pour vous, avec vos frères et sœurs ? Si, si. Moi j'arrivais tranquille, ouais regarde j'ai eu ça, puis lui, ouais mais moi j'ai eu le CD de Priscilla, ouais vas-y, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec Priscilla ? Moi j'ai pris de Nespire, tu veux quoi toi ? Tout ce que je viens de vous exposer tout de suite maintenant, c'était avant. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je repense à tout ça comme si je pouvais mettre un petit peu le doigt sur une grosse thématique et je dirais que cette thématique de Noël, c'est synonyme de la culture. Une transmission culturelle d'avoir pu vivre justement dans ces années incroyables avec des jouets de dingue, des artistes inoubliables. Tout ça, ça a contribué un petit peu à garder ces grands yeux noisettes émerveillés, parce que j'ai les yeux noisettes pour ceux qui voient. Et tu mets souvent le doigt sur des grosses thématiques, j'ai remarqué. Tout le temps. Ouais, t'arrêtes. Trop. Je réfléchis trop. Cette culture, moi je vous invite à la retrouver justement dans Génération VHS, dans Music and the City sur Fadjet, et que je puisse justement embrasser ma team VHS, c'est le cas de le faire. Donc, pour répondre à la question de tout début, non, ce n'était pas mieux avant, c'est mieux tout le temps. Alors, bonne soirée et bon réveillon sur Fadjet. Merci. Bravo. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi ? Ouvre ton cadeau, tu vas découvrir... Alors. George Michael. Oh my god, Jesus. He's alive. Avec Last Christmas. On revient dans un instant avec plein d'autres chroniques. Joyeux Noël sur Fadjet en ensemble jusqu'à minuit. Vous êtes toujours sur Fadjet, c'était George Michael avec Last Christmas et Gaël a changé de voix, incroyable. Ouais. C'est la magie de Noël. Bah oui, c'est ça. C'est ça. On se retrouve avec un petit quiz qui nous a été préparé par Cathy. Cathy, toi aussi, t'essayes de nous replonger en enfance. Oui, c'est ça, et je vais faire appel à vos souvenirs. Je vais vous demander de me raconter, tous autour de cette table, votre plus beau Noël. Racontez-moi, en quelques mots, souvenez-vous-en. Oh punaise. Moi, j'ai pas de plus beau Noël, ils sont tous magnifiques, ils sont tous merveilleux. Voilà, c'est la conclusion de Jérôme, c'est toujours plus mieux. Il y a bien un Noël. Quel est le cadeau de Noël dont vous vous souvenez le plus? Ah, j'en ai peut-être un. Ah, Gaël, tu voulais... Moi, alors peut-être celui qui m'a fait découvrir les jeux vidéo, une Game Boy Advance SP. Alors je pourrais plus dire quel âge j'avais, je devais avoir 12-13 ans. Et c'était ma première console. Et depuis, j'ai jamais décroché, j'aime toujours autant les jeux vidéo. La Game Boy de couleur, c'est ça? C'était la Game Boy Advance qui se pliait. Et la mienne était bleue. La SP. Et d'accord. Ouais, c'est ça, la Game Boy Advance SP, exactement. Un d'autres Moi j'ai... Ça intéresse Vas-y. Quelqu'un. Toujours. Moi, c'était Noël 92, parce qu'il y avait toute ma famille entièrement qui était réunie dans une énorme ferme. Et c'était génial, c'est la seule fois que ça arrivait. Donc c'était vraiment hyper agréable. Dans une ferme, ça devait être chouette. Ah, c'était génial. C'était un petit village de Haute-Saône qui s'appelle Beveuge. Et c'était Beveuge. Et c'était extraordinaire. Et on salue tous les Beveugiens. Les Beveugiens, big up à vous. Les Beveugeois, très bien. Eh bien, big up à tous les Beveugeois. Alors, d'autres Noëls peut-être ou... Ah, Assemi, oui. Bah moi, le meilleur Noël que j'ai passé, plutôt que je vais passer, c'est celui de cette année. Oui. Ah, c'est dans quelques heures. Oui, dans quelques heures, oui. Oui, parce que déjà d'une, je revois ma famille après un an. Et que de deux, bah, que mon mec, il est avec moi. Voilà. Ah, ça, c'est beau, c'est l'amour. C'est beau. Jérôme, je crois que tu avais aussi un souvenir de Noël à nous raconter. Alors, j'ai plus la date en tête exactement. Il me semble que c'était en 1994. Gaël pourra peut-être confirmer. C'était le Noël de Dorothée à la télé. Ah, c'est ça. Et je me souviens, je me souviens avoir délaissé toute ma famille qui était autour de la table pour passer pour regarder Dorothée. Ouais. Bah oui, ça forcément. Se comprend. Non, mais Dorothée, c'est une bonne excuse. Et très belle, très belle, très beau souvenir. Et toi, Cathy, c'est quoi ton plus beau souvenir de Noël? Moi, c'était quand j'avais une maison de poupée. Ah. Parce que j'avais tellement demandé à avoir ma maison de poupée que le jour où je l'ai eu, j'étais trop contente. Ah, c'est mignon. Ouais. Ça me rappelle la scène horrible de Babe, mais oh, c'est mignon. J'étais restée scotchée au carreau pour essayer de voir le Père Noël dans le ciel, mais... Et tu l'as vu. Réessaye. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que vous l'avez déjà rencontré, vous, le grand homme barbu? Oui. Oui. Quand j'étais petite. Mais je viens de le croiser gentil, avant... Les gentils, sa barbe, elle pique pas. Je viens de le croiser avant l'émission. Non, elle était toute douce. D'accord. Mais il était gros. Il est gros. Tiens, dites-moi, vous savez pourquoi on fête Noël? Parce que c'est bien. Parce que c'est beau. Parce qu'on a des cadeaux et qu'on aime bien recevoir des cadeaux. Pas et qu'on adore manger aussi. C'est vrai, c'est vrai. En fait, Noël, ça date du 4e siècle après Jésus-Christ. C'était créé dans le but de se substituer aux fêtes païennes qui étaient d'usage à l'époque. Donc c'était un peu pour trouver une parade. Donc on a créé une Noël. Fête druidique du solstice d'hiver. Voilà, c'est qui était ça. Le 21. Vous avez d'ailleurs. Vu quelle culture. Eh oui. Quelle culture. On est culturé ici, il ne faut pas croire. Et vous savez qu'est-ce que signifie Noël? Je n'en ai aucune idée. Léon. Moi non plus. Oh là là. Alors. Noël, ça vient du latin natalis, qui signifie... La naissance. La naissance de l'enfant Jésus. Jésus. Mais en Incroyable. Fait, comme vous le savez, le solstice, c'est aux environs du 21 décembre, donc la nuit la plus longue. Mais on a souhaité le mettre le 25, puisque c'était le jour de la naissance du Christ. Et alors, vous savez pourquoi le Père Noël? Est-ce que c'est pas un rapport avec Saint-Nicolas? Coca-Cola, bien sûr. Oui, enfin, mais... avant, il y avait le Père Noël, effectivement, qui existait plutôt dans les cultures germaniques, justement, et qui était vert. Et c'est Coca-Cola qui l'a coloré en rouge. C'est ça. C'est en 1931 qu'ils ont commencé à le colorier en rouge. C'est une légende urbaine. Donc voilà, si vous êtes contre la société de consommation, contre Coca-Cola, cette année, le Père Noël sera vert. Sinon, vous êtes daltonien et vous le voyez de la bonne couleur. qu'il vienne de Coca-Cola ou de Germanie, vous êtes tous d'accord. Comme dans Santa et compagnie, le dernier film d'Alain Chabat d'ailleurs. Exactement. Et dites-moi, quel est votre plat préféré de Noël? Plat de Noël? Ah, je crois Léo. Ah, on a quelqu'un de motivé. Les huîtres. Les huîtres ? J'ai peur qu'elles se réveillent dans ton ventre. Non. Les huîtres. C'est horrible. Tu les mâches ? Non, bon, non. Non, non, le mieux, c'est les huîtres au four. C'est super bon. Au four. Au moins, t'es sûr qu'elles sont mortes. Sinon, il y a aussi... Ouais, mais c'est super bon. Avec un zeste d'orange et tout, c'est magnifique. Le magret de canard. Assami ? Assami. J'adore la dinde. La dinde ? Moi, ouais, la dinde, c'est très bon aussi. T'inquiète pas, tu vas le foie gras. Moi, je fais du classique, mais c'est toujours efficace. Sur des petits toasts en pain d'épices avec compoté d'oignons ou figues ou groseille. Ou foie gras, la vanille. J'ai jamais essayé. Vanille, Grand Marnier, mais c'est une tuerie. Tu te bouffes les doigts. Il me reste 2 heures pour aller en acheter. Vite, je cours, je fonce. Et vous savez pourquoi les Allemands fabriquent-ils des couronnes de l'Avent? Vous avez jamais fait en allemand la, des couronnes la de l'avant. Couronne avec les fameuses bougies. Les 4 bougies qu'on allume tous les dimanches. Voilà. Qui sont les 4 semaines de l'avant, justement. Pour éviter d'aller chez le coiffeur. Elle va être longue cette émission. Enfin, elle va être longue. Moi, selon vous, les Français dépensent combien en termes de cadeaux par an pour tout. Avec toute la famille et tout, ça doit faire les 300-400 euros, non, par tête. Facile. Ah oui, je pense, un truc comme 400 ça. Ouais. Non, 230. Oh les rapides. Bon, 170 pour les enfants cette année, tu vois. Tu veux pas m'offrir un cadeau? T'as l'air généreux par rapport aux autres. Moi, je veux bien recevoir un cadeau de ta part. Je pense que c'est parce qu'il t'en a, prévu un. Alors, regarde bien sous le sapin à minuit. Ah bah écoute, on sera bon. Ouais, je regarde bientôt. On sera bon. Enfin, j'ai une dernière petite question à vous poser. Dis-nous tout. Si vous deviez recevoir un très beau cadeau de Noël ce soir, lequel serait-il le plus beau? Vas-y Léo, dis-nous tout. La bague de mariage. Oh, oh, ils sont mignons. Trop on mignons. Peut pas lutter face à ça. Non, moi ça serait le saut en parachute que mes parents m'ont promis depuis mes 18 ans et que j'attends encore, j'en ai 37. Ah bah ça, bientôt. Attends encore 18 ans de plus, je crois. Oh la vache. Pierre, oui, toi c'est quoi ton... Moi ce serait une rencontre avec Calogero. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais mis ma main à couper que ça allait concerner Calogero. Un CD, une rencontre, un concert plus. Et bah ça m'aurait... je l'aurais parié. Hop. Moi, je ne sais pas, mon plus beau cadeau, c'est de repasser une année formidable à Fadjet avec tous les chroniqueurs présents ce soir et tous les autres. C'est mignon. C'est mignon. Plein de cœur. Ouais. C'est trop kawaii. Gaël ? Oui ? Il y a une autre chronique après le quiz ? Ah, tout à fait, on va parler de Noël au Japon avec Asami et Yohan. Komba Wamina. Eh ben bonjour à Samy, bonjour Yohan. On vous dit bonjour alors que vous êtes là participer depuis depuis un petit moment. Oui, depuis bonsoir. Alors bonsoir. J'ai un bed rétro à vous proposer. Je suis pas sûr que ça colle avec le Japon, mais on va voir ce que ça donne. On ça peut voir. Donner un style. On va voir. Bah ouais, allons voir. Oh si ça va. Parce qu'au Japon aussi on fête Noël à ce qui paraît. Eh oui. Mais on le fête comment alors? Alors déjà, pourquoi on parle de Noël au Japon d'abord tous les deux, hein, n'est-ce pas Samy? Eh bien parce que moi j'anime Japan Touch, le magazine culturel sur la culture japonaise sur Fadjet tous les jeudis à 19h30. Et que moi j'anime évidemment l'émission Geek World sur Fadjet également le 4e vendredi du mois à 17h. Et où donc, je passe de temps en temps. On se fait, oui aussi, voilà, et on fout bien le boxon. C'est on ça. S'amuse bien. Donc voilà pourquoi le Noël au Japon. Et donc le Noël au Japon, qu'est-ce que c'est précisément? Alors on a parlé beaucoup effectivement de la tradition religieuse chez nous. Mais il n'y a pas de Noël religieux au Japon parce que les chrétiens c'est 2% de la population à peine. C'est alors bon, ça fait à peu près 3 millions de personnes sur l'ensemble du pays. C'est déjà pas mal, mais bon. Donc Noël est avant tout une fête commerciale au Japon, au même titre qu'Halloween, la Saint-Valentin, bref, la naissance du petit Jésus, les Japonais n'en ont que faire. Il s'agit surtout de fêter le Père Noël et même le Saint-Nicolas d'ailleurs. Ils nous l'ont volé aussi, les coquinous. Bref, tout ça sans aucun caractère religieux ou symbolique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme beaucoup de fêtes occidentales, Noël au Japon, comme Cathy nous l'a dit, ça date du 4e siècle chez nous, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et au Japon, ça existe que depuis le 20e siècle, pour vous dire. Oui, c'est un peu plus récent. C'est récent, ouais. Et ça a connu une croissance expansionnelle chaque année. Cela explique que le 25 décembre ne soit pas férié sur l'archipel, parce que oui, les 25 décembre, les Japonais, ils taffent. Alors que nous, on est au chaud en train de manger comme des gros porcs. Oui, c'est bête, cette année, ça tombe à lundi en plus. Ah, en plus. Ouais, pas de jour de repos au boulot. Ouais, mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le 23 décembre, au Japon, Japon baillent les fériés. Puisqu'ils c'est ballot, ça tombe un samedi. Eh ben, mais c'est pas pour rien, parce qu'en fait, c'est l'anniversaire de l'empereur Akihito. Ah. Voilà. Et il faut savoir que comme nos amis mosellans et alsaciens, les japonais fêtent les 24 et 25 décembre. En somme, c'est comme si on fêtait l'anniversaire de l'empereur pendant 3 jours. Voilà. Et bah, moi je veux bien être empereur au Japon si j'ai mon anniv pendant 3 jours comme ça. Ouais, bah, ils font du racolage de dates en même temps. Bref, si de plus en plus Noël au Japon est l'occasion d'offrir des cadeaux aux enfants, parce qu'évidemment, commerce oblige, sous la pression des fabricants de jouets. Cette période était au départ très associée aux amoureux. En effet, le 24 décembre au soir, les couples nippons se retrouvent pour fêter ensemble leur amour, se déclarer leur flamme et s'offrir mutuellement un cadeau. C'est la Saint-Valentin avant l'heure alors ? Voilà, c'est ça. Alors la Saint-Valentin au Japon, c'est encore particulier aussi, hein. Très particulier. C'est très particulier. Mais là, nous sommes dans l'esprit de Noël et c'est beau, c'est mignon. Est-ce qu'il y a aussi la tradition du gi au Japon ? On s'embrasse sous une branche de gi. Ah, je vous pose une colle. Hein. Je sais non, pas trop, je pourrais pas dire. Moi non plus. On n'a même pas besoin de gi pour s'embrasser au final. Voilà. Ces gens n'ont pas entendu Jérôme vient de dire qu'il y avait le geek au Japon. Et les otaku aussi. Aussi. C'est un peu plus extrême. Alors. Alors, à part les amoureux, qu'est-ce qu'on fait au Japon ? Eh ben, il faut savoir que, comme à leur habitude, les Japonais s'ouvrent, contrairement à plusieurs années, aux cultures étrangères. Du moment que c'est rentable commercialement parlant, bien sûr, hein, parce qu'il faut faire du fric. Et du coup, bah, la fête des amoureux est doublée avec la traditionnelle offrande païenne de cadeaux aux enfants. On trouve également de plus en plus de sapins et de décorations de Noël au Japon. Désolé, c'est le soir, c'est un peu fatigant, voilà. Et au départ, c'était surtout dans les grandes villes, en particulier à Tokyo, qui se part de belles illuminations dès le mois de novembre. Ils font tôt aussi, hein. Il n'y a pas que chez nous qu'on fait tôt aussi. Au Japon, c'est pareil. Hein. Halloween est à peine fini qu'on a déjà les rayons de Noël. Alors. Voilà, on allait déjà les pubs de Noël, on a déjà les sapins de Noël. Ouais, même avant, c'est ça, bah oui. Mais ces dernières années, on trouve même désormais quelques marchés de Noël au Japon. Et oui, ça existe. Et même en cherchant bien du vin chaud. Vous vous rendez compte, du vin chaud au Japon, incroyable. C'est un truc de malade. Quoi. C'est pas mal. Et vous savez que cette année, le marché de Strasbourg s'exporte en Corée. Oui, également. Yeah, donc, comme ça. Quoi, on envahit l'Asie. Exactement. Avec nos traditions. Il faut préciser qu'avec les années 70, les Occidentaux expatriés au Japon cherchaient des dindes ou du poulet entier pour justement déguster leurs fameuses dindes les 24 et 25 décembre. Et moi, je connais cette des anecdote. Dindes comment ? Effectivement, à cette époque, les Américains ont importé, évidemment, KFC, qui était la seule chaîne de restaurant à proposer. De la volaille, vous l'aurez compris. Cette tradition s'est étendue au fur et à mesure. Et aujourd'hui, beaucoup de Japonais consomment du poulet rôti chez KFC à Noël, ce qui les arrange bien évidemment. Et ils multiplient durant cette période leur vente par 5, voire 10 en fonction de certaines villes. Ah ouais, gros chiffre mal. D'affaires. Ah oui, faut pousser un peu les murs, quoi. Faut pas se rater à cette époque. Hein. Voilà. Et c'est surtout un moment que les jeunes adorent fêter entre eux, évidemment, parce que du coup, des chaînes de fast-food, c'est dans leurs moyens en même temps. Donc ça permet de faire des réunions en classe, voilà, avec ses amis. En dessert, les Japonais, également pour Noël, aiment également aussi de plus en plus s'offrir des Christmas cakes, copie de notre traditionnelle bûche de Noël, et on sait à quel point ils aiment la pâtisserie. Ah bah oui, surtout la nôtre. Mais d'ailleurs, j'ai une question un peu con. C'est quoi le Christmas cake, tu sais, toi ? Eh ben, c'est justement le cake traditionnel, mais par les British. De tradition anglo-saxonne. Okay. Bon, globalement, on s'offre des cadeaux, on se réunit en famille et on mange du amoureux. Poulet. Voilà. Au final, et c'est presque so good. C'est presque comme chez nous avec un petit Noël. Peu de différence. Mais au final, Noël, ça reste international, et évidemment. Voilà. Eh oui. Et en France, on fête aussi Noël et on retrouve une chanteuse qui va plaire à beaucoup de monde autour de la Maria table. Maria Carré, non ? Non, on retrouve c'est Dorothée, qui... évidemment. Enfin. Bon, vous allez vous calmer, hein, le temps de Dorothée, hein, ça va pas du tout. Là, on a perdu tous nos auditeurs. On va les retrouver avec Dorothée et Noël Blanc et on se retrouve juste après. La neige d'argent, Noël, blanc. Ou quand j'entends sonner au ciel. Je songe à d'autres Noël blancs. Lorsque décembre lançait au vent l'odeur des marrons brûlants, j'attends d'être tremblante un peu l'instant des cadeaux joyeux. Et je mettais mes petits souliers sous le manteau de la cheminée. J'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant, les sapins scintillants, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner. Je songe à d'autres Noël blancs. Cette émission spéciale Réveillon de Noël continue, nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec tout plein de chroniqueurs venus de Fadjet. On a entendu Johan, Assami, on a entendu également Valentin qui était avec nous, qui animait un petit peu l'émission. Et d'autres chroniqueurs sont autour de la table maintenant, Pierre et Isabelle sont toujours là. Mais Emeric nous a rejoint avec son ordinateur qui plante. Comment vas-tu? Bah, mieux que mon ordinateur visiblement, mais oui ça va bien, très heureux d'être là en cette soirée de Réveillon de Noël. Tu vas nous parler du sport de Noël tout alors, à l'heure. Plus ou moins finalement, je vais parler du Boxing Day, c'est une tradition anglaise, mais je la connais du sport cette tradition, donc je fais quelques recherches dessus, donc voilà, c'est l'occasion de partager un peu mon savoir, ça on va dire. Très intéressant, ce sera tout à l'heure, après par exemple la chronique d'Isabelle. Que, de quoi vas-tu nous parler? Alors je vais parler d'un coup de cœur musical. Ah, voilà. Alors dis-nous tout. Eh bien, faut que je le passe peut-être. Oui, mais ah, tu je préférerais. Non, je pensais que c'était après Pierre que je passais. Eh bien, non. Donc, ben, je vais parler de mon coup de cœur alors. Voilà. Ok. Donc, mon coup de cœur musical en ce jour de Noël est un groupe spécialisé dans la performance vocale a cappella. Donc, ce groupe s'appelle Pentatonix. J'ai décidé de les mettre à l'honneur en ce jour de fête, puisque ces derniers ont pris l'habitude de sortir chaque année, depuis 2012, un album de Noël. Pentatonix est donc un groupe vocal originaire d'Arlington, au Texas. Tout débute par le désir de chanter ensemble. Trois amis, étudiants à la Martin High School d'Arlington, décident d'unir leurs voix en 2011 pour former un ensemble vocal, The Sokol Vocals. Ils commencent par des reprises de grands tubes et attirent vite l'attention sur YouTube. Tout va alors s'accélérer lorsque l'un des membres du groupe entend une annonce concernant les auditions de The Sing Off. The Sing Off, c'est une émission américaine qui déniche les talents. Donc il convainc ses partenaires de participer aux auditions. Le petit hic, c'est que l'émission requiert d'être formée d'au moins 5 membres. Qu'importe, le groupe ajoute 2 autres chanteurs et renomme le groupe Pentatonix. Belle idée que ces auditions, puisqu'ils remportent la compétition. Cette victoire leur permet de gagner un joli pactole, mais surtout un contrat chez Sony. Tous les membres déménagent alors à Los Angeles et ont un seul objectif désormais, devenir le premier groupe a cappella grand public. Pentatonix sort un premier album en 2012 et effectue dans la foulée une tournée durant l'automne dans une trentaine de villes. En novembre de la même année, leur premier album de Noël est édité, ce sera l'amorce d'une tradition annuelle. En 2013, Pentatonix repart en tournée. Celle-ci sera d'ailleurs prolongée par une tournée européenne. En 2015, cet ensemble vocal de talent remporte un Grammy Award pour son mêlée de chansons de Daft Punk. Et en 2016-2017, ils passent le cap de 11 millions d'abonnés sur YouTube et leur dernier album de Noël, Pentatonix Christmas, obtient plus de 60 millions de vues en seulement un mois. Au total, Pentatonix peut se targuer d'avoir remporté 3 Grammy Awards. Ce groupe vocal composé de 4 chanteurs et d'une chanteuse a réussi son pari. Il s'agit bien d'un des meilleurs groupes a cappella. Et même si l'un des membres vient de quitter Pentatonix récemment, le talent de ces artistes vocaux reste intact. Je vous laisse donc découvrir leur très belle chanson de Noël, That's Christmas to Me. The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams, oh, I, 'cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while mom and daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be, oh, I, 'cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. 'Cause that's Christmas to me. I listen for the thud of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. 'Cause that's Christmas to me. Sur cette petite musique guillerette, nous rejoignons Pierre à quasiment, oui, dans pas longtemps, 23h. Oh, on va distribuer des cadeaux dans pas longtemps, c'est bien, ouais. Mais qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir dans une heure et quart, près, un peu plus. Pierre, tu vas nous parler. Alors moi, j'ai le nom de ta rubrique, ça s'appelle, voilà, Lambda Noël, mais j'ai rien alors, compris, voilà, c'est tu le vas nous expliquer. C'est le réveillon de Lambda. Alors Lambda, c'est un personnage qui revient dans les matinales du lundi, et donc en fait, c'est un personnage qui pourrait être vous, et qui lui arrive plein de trucs, et je vous raconte un peu comment, eh bien, il arrive à surmonter les difficultés. Et là, ce soir, bah, en cette période de Noël, j'ai décidé de vous raconter son réveillon qu'elle organise pour la première fois. Lambda a demandé à tous ses amis, membres de la famille, de se mettre sur son 31, même si on est le 24 ou le 25, et même s'il y avait 7 invités de petite taille, en plus de sa belle-mère, jalouse de sa beauté. Faut dire qu'elle passe son temps à se regarder dans le miroir, du coup ça enquiquine les autres quand elles doivent se laver, qui sont grave vénères, et oui, elle ferait mieux d'écouter l'effet miroir sur Padgett, ça irait plus vite. Oh, bien. Très belle émission, bien placée. Alors, les convives arrivent à l'heure pour ne pas se faire enguirlander. Le réveillon commence, lui, dans une ambiance plutôt posée autour de la cheminée d'une vieille maison assez reculée en pleine campagne que sa belle-mère lui avait montrée quand elle était plus jeune. Puis, par une danse trop stylée autour de musique country pour réchauffer l'ambiance, il faut dire qu'il neige dehors et on risque de s'enrhumer à tchoum. Pour l'apéritif, elle n'avait pas... Elle n'avait moi, je vais y arriver. Pour l'apéritif, quoi. Ça commence à être. Je comprends. Elle avait fait sa très célèbre recette de foie gras aux pommes qui ravirait n'importe quel prince charmant. Voici la recette simplette à faire, mais, sauf si on est paresseux, bien sûr. La voici. Tranchez le foie gras de canard ou d'oie en tranches d'un gros demi-centimètre à peu près. Faites chauffer la poêle assez fort à sec. Troisième étape, y placer là où les tranches de foie gras, laissez cuire 4 à 5 minutes. Ensuite, essuyez la poêle et retournez le foie et cuire selon vos goûts. Retirez, soyez les poivrés et arrosez de vinaigre choisi. Ensuite, accompagnez les tranches et les pommes, faites revenir de la poêle un peu de beurre, saupoudrez d'un peu de noix de muscade éventuellement et servir chaud. Merci pour le prof. Tout cela accompagné d'un fabuleux champagne à bubule. Non, c'était du mousseux, elle s'était trompée, mais ce n'est pas grave, c'est l'intention qui compte. De plus, son moment préféré, c'est quand même le moment où elle arrose sa belle-mère avec. C'est l'éclat de quoi. Ça réchauffe l'ambiance et tu m'étonnes qu'après, elle est vénère la belle-mère. Après, petite dinde au marron qui va bien et en dessert, une petite bûche de Noël qui, hop, tombe par terre. Ça sentait un peu le sapin, cette histoire. Heureusement qu'il y avait 7 mains pour l'aider à redresser la situation, ses amis quoi. Mais au moment des cadeaux, c'était top. La belle-mère était assez grincheuse. Faut dire que sa mère lui avait offert un seau à l'élastique. Et pour revanche, sa belle-mère lui avait offert un crapaud. Il devrait, selon nos infos, se transformer en prince charmant à minuit. Mais ça, ce n'est pas certain. Et ça promet pour le second round, la galette des rois. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Sacré Lambda, il en arrive des choses. Oui. Merci Pierre. Donc Lambda, c'est un personnage qu'on retrouve tous les lundis matin. Tous les lundis matin. Voilà. 7h, 8h30, les aventures de Lambda. Et ben, je pense que je vais me réveiller maintenant. Et ben, moi, à la matinale, pour tout vous dire, je suis déjà au boulot, mais je pense que je vais la podcaster. Ça en vaut la peine. Non, je voulais demander à Aymeric s'il serait mieux réveillé que pendant la matinale du vendredi. Ça, c'est un coup bas. Oui, mais là, on est la soirée de Noël, donc on n'est pas là pour parler de la matinale. Oh, je te charrie. Non, je pense que je pense juste à la dernière où tu étais moins en forme que d'habitude. Ce sont des choses qui arrivent. Aymeric, tu veux avoir ta revanche dans un instant? Oui. Eh bien, on va faire un blind test, mais juste avant, on va s'intéresser à des questions que Soulaine, qui est revenue dans le studio. Coucou! Coucou! Comme dirait Eminem, guess who's back? Exactement. Et c'est Timéo, Esteban, Louise et Aurélia qui ont la parole. Que représente Noël pour toi ? Pour moi, Noël, ça représente le bonheur, l'amour, la paix et plein de choses, mais je les ai pas toutes dans la tête. Moi, c'est on peut retrouver toute la famille, ceux qu'on peut pas voir qui sont loin de chez nous. Et du coup, c'est un moment avec tout le monde, c'est bien. Moi, Noël, ça représente la naissance de Dieu, les fêtes avec toute la famille et les choses joyeuses. Donc, Noël, c'est une fête où on peut tous se retrouver en famille. C'est la naissance de Dieu et surtout je sais que c'est un moment où tout le monde doit s'amuser, tout le monde doit être content et surtout c'est une fête religieuse. Padgett vous souhaite un joyeux Noël. C'est l'heure du blind test. Et alors là, Pierre, Aymeric, Isabelle, vous avez remarqué, je suis pas très poli, je commence pas par les filles. Oui, bravo. Je suis pas fier de moi. Il va falloir deviner, il y a 5 titres. À deviner, on va être rapide, on va faire comme tout à l'heure. Vous donnez votre prénom. Et vous donnez votre prénom cette fois-ci. Hein, pour si vous avez la bonne réponse. Et après, je vous donne la parole. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens qui nous écoutent de pouvoir essayer de deviner un petit peu avant qu'on donne les réponses. Ce serait quand même dommage de gâcher le plaisir. Voici le premier titre. Isabelle. Oui. Michael Jackson. Oh non. C'est pas lui. Je trouvais que ça ressemblait. c'est une fille. Merci. Alex qui est derrière, vas-y. Je crois que c'est Whitney. Ah oui, Alex. Alex. Mon prénom c'est moi, Alex. Et je crois que c'est Whitney Houston. Tout à fait. Oh, oh. Sans casque. Hein. Bon pied, bon oeil, Alex, bravo. C'était Whitney Houston, effectivement. Voici le deuxième titre. Oh, c'est très facile. Petit Papa Noël, toi tu descends du ciel. Retourne-y, vite fais bien fait. Avant que je te colle une droite. Avant que Isabelle. Pierre. Ah, dans l'ordre, Isabelle puis Pierre. Renaud. Renaud, ouais. Pierre, t'étais. Oui, j'aurais dit Renaud aussi. Ça, c'est Renaud, bravo. D'enfer, il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons. Ravager mes plantations. Mais où est le public de Provence. Veuillez me passer. Alors, Alex, un point. Isabelle, un point. Troisième titre. C'est ce soir Noël, il a neigé. Les gouttières ont des glaçons. Isabelle. Oui. Richard Gottenet. Bah, carrément. Mais elle écrase tout le monde, c'est dingue. Posé dans la cheminée. Plus tard, on y mettra nos chaussons. C'est ce soir Noël, faut découper. Plus dur. Alors Pierre et Emery, vous êtes là ou pas en fait? Moi, je, oui, je, bon, on m'a dit de venir. Bonsoir. On m'a dit de venir dans le studio, donc je suis venu. C'est un plaisir d'être avec vous. Ah avant ben, tout, je suis pas là pour la compétition, je suis là pour l'esprit de Noël. Tu as raison, c'est l'esprit sportif, j'aime beaucoup. Ça me plaît énormément. Voici le quatrième titre. En plus, il est plus dur. Isa. Issu d'un album de Noël, c'est un Écossais qui chante. Isabelle. Oui. Rod Stewart. Très bien. Wow. Tu veux pas venir faire Vinnie Maniacs avec moi, toi? Moi, pourquoi pas. Allez, un petit dernier avant la rubrique d'Emeric, on va parler du Boxing Day. Quand j'étais une petite fille, pleine de vie et de joie. Isabelle. Ça m'aurait étonné. Attends, on va laisser un peu les auditeurs écouter. Ok. Porta, un jouet extraordinaire, avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé. Alors, vas-y. Bah, j'hésite du coup. J'aurais dit Christophe Willem au départ. Pas du tout. Mais... Pierre. Oui. C'est pas rose. Non plus. Alors, on se rapproche, mais ouais. C'est pas rose. C'est bleu. C'est ça. Ah, c'est Carla Bruni. Carla Bruni non plus, Alex. Axel Red. Non plus. Ah, on va s'approcher. Une reprise de Claude François, vous l'aurez deviné, joué extraordinaire. J'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après. Emeric, la oui, grande Sophie. Bien. Wow. Joyeux Noël. Sans triche nulle part, c'était bien. Bravo, la grande Sophie, extrait de l'album Autrement dit, sorti en 2006, où il y avait pas mal de très bonnes reprises. La grande Sophie a sorti mais... un album de Noël. Et oui, il fallait non, écouter la grande ah Sophie. Non, c'était sur un album de Claude François, enfin de reprise de Claude François. D'accord. Qui s'appelait Autrement dit. Non, non, c'est pas okay. Possible que Claude François ait sorti un album en 2006. Oh, c'était un album de reprise. Il de peut Claude reprendre François. Lui-même, mais en 2006, non, il était déjà plus là. Il peut même pas se reprendre lui-même. C'était mieux quand possible. Il avait pas de micro. On va lui expliquer pendant une chanson parce que c'est un album de reprise. Il y a eu un album de reprise sur Claude François. Exactement, ouais, qui s'appelait Autrement dit, qui est vachement bien, qui était plutôt sympa. Il y avait une petite quinzaine. C'était avec son frère François Claude. Exactement. Et on ne le saura jamais. Voici la rubrique d'Emeric sans transition aucune. Oh, il nous reste pas beaucoup de temps avant 23h, on va repasser le micro à Swellen. Emeric, Boxing Day. Le Boxing Day, est-ce que quelqu'un autour de la table sait ce que c'est le Boxing Day et d'où ça vient? La boxe? Non, c'est pas du foot en Angleterre là. Alors, c'est une journée de foot, mais est-ce que vous savez les origines du Boxing Day? Non. Sinon, bah, je vais me charger de vous montrer ce que c'est. Le Boxing Day, ça se passe le 26 décembre, donc dans deux jours. C'est un jour férié dans les pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni, et on célèbre la Saint-Étienne. La naissance de ce jour date du 15e siècle. Ça viendrait de Étienne, donc le premier martyr chrétien. Étienne. Ah non, c'est pas ça. Il a été choisi par les apôtres pour distribuer l'aumône aux pauvres. Et cette idée de charité se retrouve aussi dans un chant de Noël que chantent les Britanniques, intitulé The Good King Wenceslas, ou alors Le Bon Roi Wenceslas. La chanson raconte l'histoire du roi Wenceslas II de Bohême. Et la légende raconte que le roi a vu un homme chercher du bois pour se réchauffer. Et que de pitié, il lui a offert un sac plein de provisions. Il existe une deuxième hypothèse, il en existe trois au total. Hein. La deuxième, c'est qu'au 15e siècle, pendant les grandes découvertes, vous savez, 1492, Christophe Colomb, tout ça, les marins, avant de partir en voyage, mettaient des sous dans une boîte et pendant toute la durée du voyage, ces sous restaient enfermés dans la boîte. Et s'ils rentraient sains et saufs, ils donnaient la boîte aux prêtres de leur village qui la redistribuaient aux plus démunis. Et enfin, la troisième idée, qui n'a absolument rien à voir avec la religion ou quelque forme de superstition, c'est qu'au 19e siècle, les bourgeois laissaient les serviteurs avoir un jour de congé après Noël, donc le 26 décembre, avec leur famille. Et généralement, ces bourgeois offraient à leurs serviteurs une boîte dans laquelle se trouvait un repas, donc généralement les restes de Noël. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le premier jour des soldes d'hiver. Donc, dans deux jours, si vous ne savez pas quoi faire, prenez un billet pour Londres, Manchester, c'est le moment ou jamais, où vous voulez. Et les réductions vont de 50 à 80%. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ah, oui. Y a aussi une autre tradition, c'est la chasse au renard. Jusqu'en 2005, le cavalier donc, qui chassait le renard portait un costume rouge et chassait un renard avec une horde de chiens. Mais depuis 2005, il interdit de chasser le renard. Donc, aujourd'hui, c'est juste une course après un renard. En fait, on l'attrape et après, on le relâche, on ne le tue pas. Du côté des Irlandais, on pratique la chasse au troglotide. C'est un petit oiseau, donc je vais vous expliquer pourquoi on chasse cet animal-là. Dans la mythologie irlandaise, c'est un oiseau qui symbolise la trahison. On raconte que lors d'une embuscade des soldats irlandais sur les soldats scandinaves, l'oiseau se remit à chanter alors que ces derniers essayaient d'être silencieux dans leur embuscade. Donc c'est une forme de trahison. Et à l'époque, l'oiseau était chassé, puis empaillé. Mais aujourd'hui, c'est plus un défilé. Les Irlandais portent des masques à l'effigie de l'animal et défilent dans les rues. Au Canada, on pratique le mumming ou le mummering. C'est une tradition de la province de Terre-Neuve et cette coutume consiste à aller de maison en maison et de jouer des pièces de théâtre qui racontent l'histoire d'un champion comme le célèbre Saint-Georges et la bataille avec le dragon. Il existe aussi une autre version à peu près similaire, sauf que cette fois, les comédiens entrent dans les maisons et les propriétaires doivent trouver qui se cache derrière les costumes. Et donc, comme Pierre l'a dit, c'est aussi du sport le Boxing Day. En Australie, c'est le cricket qui est à l'honneur. Le Boxing Day Test Match, c'est-à-dire que l'équipe australienne de cricket affronte une autre équipe du reste du monde. Donc, peu importe la France, la Belgique, la Roumanie, la Sokovie, qui n'existe pas, c'est dans un film, n'importe quoi. J'allais te demander où c'était, la Sokovie. C'est dans Avengers, l'ère d'Ultron, voilà, c'est pour ceux qui cherchent. affronte une autre équipe, une équipe du reste du monde, au Melbourne Cricket Ground. Et toujours en Australie, à Sydney, au port Jackson, une course de bateau démarre, une course de bateau, de voilier, donc voilà, c'est un grand moment. Et enfin, on en arrive au foot en Angleterre, c'est sûrement l'une des journées les plus importantes du championnat. C'est-à-dire que nous arrivons à la mi-saison et qu'une équipe qui se trouve en tête du championnat à ce moment précis de la saison, c'est-à-dire le 26 décembre, a de très fortes chances de finir championne à la fin de la saison. À l'heure actuelle, c'est Manchester City qui est en tête, qui sera sûrement en tête encore au Boxing Day et qui risque d'être champion. Moi, personnellement, je ne valide pas étant donné que je suis supporter de Manchester United, le club rival. Mais bon, passons. Le programme de ce Boxing Day, ce sera les Tottenham Hotspurs qui affronteront Southampton, Bournemouth recevra West Ham, Chelsea recevra Brighton, Stoke City se déplacera à Huddersfield, Burnley reçoit Manchester United, Leicester City reçoit Watford, pardon, West Bromwich Albion reçoit Everton et les Swans, donc les Gallois, se déplacent à Anfield, à Liverpool. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'une seule journée, c'est toute une période jusqu'au 4 janvier. Parce que oui, en Angleterre, il n'y a pas de trêve internationale. C'est-à-dire que les mecs jouent tous les 3 jours. Ah oui. Voilà, on peut jouer. Donc là, il y a un match le 26, le 27, le 28, le 30, le 1er, le 2 et le 3 et le 4. Et c'est souvent là qu'on a des très très belles affiches comme Arsenal-Chelsea, Tottenham-West Ham, Chelsea-Leicester ou encore Everton-Manchester United. Merci beaucoup, Aymeric. On a appris plein de choses sur un sujet qui n'est pas complètement simple et pas complètement évident pour tout le monde autour de la table. Et chers auditeurs, je suis persuadé que c'est à peu près la même chose que pour nous, hein, je pense. Il faut que tu reviennes dans Génération VHS, toi, pour nous parler de sport, foot, de tout ce que tu veux. Mais avec plaisir. Parce que nous, on n'y connaît rien, Jérôme, hein, on est tout à fait d'accord. Non seulement on n'y connaît rien, mais on n'y comprend rien. Moi, quand Aymeric expliquait un truc, je ressemble à un poisson rouge. Mais c'est bien parce que du coup, je réécoute après, je dis oui, là, j'ai compris au moins ne serait-ce que la première phrase. Et c'est déjà énorme. Merci Aymeric. Les enfants reviennent et c'est Nina et Amiel que nous retrouvons tout de suite. Comment fêtes-tu Noël dans ta famille ? Chaque année, à tour de rôle, on reçoit la famille chez nous et on boit l'apéritif, on mange un petit peu et puis après on fait une pause. Et après, on discute et vraiment à la fin, on mange le dessert et après, on discute et après, il y a des gens qui rentrent chez eux et des gens qui restent plus tard. Et après, on va se coucher. Le lendemain matin, on ouvre les cadeaux. Moi, je fête Noël en famille. On est nombreux vers 15-20. et on mange un peu beaucoup, enfin on mange beaucoup. Après, on mange le dessert et quand après qu'on mange le dessert, après on ouvre les cadeaux et après c'est là où on dort. Joyeux Noël sur Fadjet. C'est Noël! Dites donc, il va bientôt être 23h, nous allons donner la parole à Swellen. Un tout petit quiz, juste pour aborder cette dernière heure, il me reste 3 minutes, dernière heure avant, ou à peu près à la louche, on est tout à fait d'accord, avant de réveillonner dans la joie et la bonne humeur en bas. On va laisser Swellen qui a réveillonné, mais maintenant c'est à ton tour, hein, chacun son tour. Ça c'était les musclés qu'on entendait derrière. Je suis désolé. Hein. Tu peux. J'ai pas été très sage. Ta-ta-ra-ta-ta. Il y a bien des nuages. Allez, deux titres à découvrir dans le temps qui nous reste. Peut-être un tout petit peu plus si j'ai le temps. On va voir. Un. Bon, voici le titre. So this is Christmas. And what have you done? Emmerich. Oui. Céline Dion. Bien évidemment. Je suis allé chercher son cœur. Oh là là. Tu l'as emporté ailleurs. Un deuxième, c'est parti. Emmerich, avec un énorme doute. J'aurais dit Lauryn Hill. Pas du tout. Ok. J'ai failli dire ça aussi. Un groupe de filles. Emmerich. Oui. Les Destiny's Child. Très bien. Allez, le dernier, il est facile et en plus, si vous gagnez, ben, on l'écoutera en quasiment entier ou pas loin. Hop là. Ah, oui, Alex. Elle a dit son prénom. Dido. Sous Hélène gagné, ouais, c'est Dido, bravo. On revient pour la dernière heure dans un instant avec Sous Hélène et son équipe. Merci tous les chroniqueurs autour de la table. On vous souhaite un joyeux Noël. Merci à toi, joyeux Noël. Joyeux Noël à tous les auditeurs de Fadjet et même ceux qui n'écoutent pas Fadjet. Exactement, et l'émission continue dans un instant. A tout de suite. Alors, autour de la table, nous avons Alexandre qui est revenu. Bonsoir. Rodolphe aussi qui est revenu. Ouais, je suis revenu. Et... j'ai mangé de la dinde, je suis revenu. Elle était bonne, la dinde que tu nous as préparée, Sou. Ah ben, rien. Bonsoir. Ellie aussi qui est donc là. Et il y a Isabelle derrière qui est restée. Tel un enfant puni, le soir de Noël. Sur une petite chaise dans le coin. Ah oui. Alors, c'est Rodolphe qui va nous parler d'anecdotes sur Noël. Tout à fait, d'anecdotes sur la Noël. Donc, par exemple, je vais parler surtout des Noëls en fait un petit peu à l'étranger, des petites traditions un petit peu particulières. Alors, par exemple, nous, le soir de Noël, donc ce soir, oui. Nous allons laisser des aliments, de l'alimentation pour le au pied Noël, du sapin. Au pied du sapin, pardon. tu laisses quoi, toi? Alors, Alex. Tout ce qui est bûche de Noël entamée, j'aime bien laisser au pied du sapin. Maintenant, un verre de lait. Un verre de lait. Des biscuits. Un verre de lait et des biscuits, exactement. Sous Hélène, voilà. Tu es beaucoup plus romantique que notre ami Alex. Pour ça. Eh bien, figurez-vous qu'en Irlande, c'est pas du tout la même chose. Ils laissent du pâté à la viande et un verre de whisky ou une Guinness. Les Irlandais, ils laissent un verre de whisky ou une Guinness. Ah, on peut pas, c'est une bière, bière très brune, forte. Ouais. On ne peut pas faire de pub. L'abus d'alcool est et bien évidemment dangereux pour la santé. Mais là, du coup, ils ne la boivent pas puisqu'ils la laissent au Père Noël. Mais d'accord. À mon avis, les 3-4 premiers, ça doit aller. Mais après, je ne sais pas comment il termine sa tournée en Irlande, le Père Noël. Il voilà. Doit très bien mais tenir l'alcool. Il est magique, le Père Noël. Tout à fait. Une autre anecdote qui se passe, celle-ci, en Estonie. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle le Père Noël en Estonie? Non. On l'appelle Jouluvana. Voilà, je vous redemande tout à l'heure, hein, vous retenez, Jouluvana. Eh bien, depuis 350 ans, le président d'Estonie, il déclare la grève de Noël. Et donc, en fait, le jour de Noël, tout le monde se rend au sauna. Enfin, la veille de Noël, en fait. Tout le monde se rend au sauna avant la soirée du réveillon. Pourquoi pas ? Et là-bas, au sauna, ils dégustent. Alors, avant le réveillon, hein, ils dégustent du porc avec de la choucroute, du pain d'épices et le tout arrosé d'une petite bière dans le sauna. Ça doit être un peu crac. Bah, ça a une choucroute vapeur. Arrête. Oui, les boissons, là, ça doit être vachement chaud. Bah, voilà, du thé. Bah, la choucroute dans le sauna, elle doit passer vite. Le chou, il doit être un peu cuit, quoi. Et puis, tous les restes, ensuite, sont laissés sur la table jusqu'au lendemain matin afin de chasser les mauvais esprits. Ouais, je préfère. Afin de chasser les mauvais esprits. C'est bon, hein, le mélange des marrons et du foie gras. J'ai kiffé. Est-ce que je vous dérange? Non, je continue. Alors, une autre tradition en Irlande. Chaque Irlandais allume le soir de Noël des bougies aux fenêtres. Alors au départ, c'était un signe d'accueil pour Marie et Joseph qui sont deux chanteurs d'un groupe irlandais. les Bobby Finch. Non, Marie et Joseph, bien évidemment, le papa et la maman de... Enfin, la maman. Enfin, on sait même pas, en fait, d'ailleurs. Mais donc, pardon. Et donc, alors, tu vas te débrouiller. Alors, oui, pardon. La bougie, elle est allumée par le plus jeune de la maison. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais elle ne peut être soufflée que par une personne qui a le prénom de Marie. Et s'il n'y a personne? On laisse la bougie se consumer. Tout à fait, exactement. Alex, on voit que tu l'as déjà fait, toi. Non, on voit que j'ai lu tes fiches avant. C'est ça, tu as lu mes fiches. Je n'avais pas noté ça. Je n'avais pas noté. Je lis dans les pensées, c'est pire. Savez-vous que le soir de Noël, enfin le 25 décembre, il y a un numéro vert pour contacter la société qui édite le Monopoly? C'est pas vrai. Si, et pourquoi, allez-vous me demander? Ah, merci. Eh bien, parce que donc c'est Hasbro qui édite le jeu Monopoly. Eh bien, en fait, ils ont calculé qu'une partie sur deux se termine mal. En fait, entre les participants, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les règles du Monopoly. Ah oui, et oui, du oui. coup, comme à Noël, on offre souvent tout le monde a des Monopoly. Différentes. Tout le monde a des règles différentes. Donc, juste après le repas, ils jouent au Monopoly et ils s'engueulent. Et du coup, ils appellent le numéro vert d'Hasbro pour connaître les règles. C'est Détresse Monopoly, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est le numéro vert. Toute l'équipe. Je ne le savais pas. Et enfin, une dernière petite anecdote. Drôlement pas sérieux ce soir, je trouve, par rapport au mardi matin, où là, on est vraiment super sérieux. Hein, Ellie? Tout à fait. Mais c'est Noël. Voilà, c'est pour ça, c'est la fête de Noël, puis parce qu'on a bu un peu de champagne. Voilà, donc il y a une tradition depuis 93 en Amérique du Nord qui s'appelle le Teddy Bear Toss. Qu'est-ce que ça veut dire? Teddy, c'est un ours. Ouais, yeah. Teddy Bear, c'est l'ours. Et Toss, ça veut dire lancer. Vous savez, quand on lance, on lance. Donc c'est l'ancien d'ours. C'est en fait, c'est quoi, c'est les bonbons ou à l'approche des fêtes de Noël, au match de hockey sur glace qu'il y a donc dans les ils vont pas lancer des ours dans les pays nord-américains, les supporters des équipes de hockey jettent des milliers de peluches sur la patinoire. Peluches, pas les bonbons. Lorsque leur équipe marque le premier but ou à la fin de la rencontre. Alors après, ça doit être un petit peu plus compliqué de circuler. Et en fait, c'est un événement à but caritatif parce que les oursons, ils sont ramassés et ils sont donnés dans les hôpitaux pour enfants à des associations. Et le record, il est détenu par une équipe de Calgary le 6 décembre 2015 avec combien d'ours en plus ? 2 493 000. Non, tu exagères beaucoup. 28 815 ours en peluche jetés sur la patinoire de Calgary. 28 000. Voilà, 28 815, tu sais, non, et puis c'est une belle récolte pour tous ces enfants qui sont. Ils en ont même eu plusieurs, malades, alors, je pense, des enfants. Ouais. Bah, je pense, oui. Je suis échoucrouté par par ces anecdotes. Oui, elles sont formidables, je vous remercie. Sympa, t'en as plus ? Ah, bah si, je peux éventuellement. Il en a 12 encore. On va écouter une petite musique et puis on va. Ça marche. Enfin, déjà, on va passer aux enfants. On va passer donc aux enfants et c'est Victor et Anna. Donc, ils vont répondre à tes questions. Voilà, qui ont répondu à ma question. Il faut juste que je retrouve. Alors, parce que Souhélène est allée interroger des enfants dans une école de Nancy. Dans un CM1. Dans un CM1. Allons, les écoute. Comment fêtes-tu Noël dans ta famille ? En fait, moi, Noël, je le fête toujours chez mes grands-parents, avec mes cousins, cousines, tata, tonton. On mange, on prend l'apéritif, on mange des fruits de mer, après on prend le plat, on mange beaucoup. Et à minuit, on ouvre les cadeaux et après on prend la bûche de Noël. À Noël, l'après-midi du 24, on commence à aller chez ma tante. On mange, etc. Et ensuite, on ouvre les cadeaux. Et vraiment, le soir, vers à peu près minuit, 1h du matin, on va chez ma grand-mère et mon grand-père. On va dormir. Et ensuite, vers 10h du matin, etc., il y a mes cousins, cousines, tantes et tontons qui viennent. Et on mange et après, on ouvre les cadeaux. Et c'est vraiment super. Fadjet vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Très beau témoignage. Ah mais il y en aura un tout à l'heure, je l'aime bien. Il est sympa. Ah bah tu nous teases là, on attend. Ah bientôt. Il n'y en a plus que 3 à passer, donc ça serait le dernier en plus. Allez, on écoute Garou avec mon beau sapin. Sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël dans ta chinoe, au saint anniversaire. Toi que Noël plante ta chinoe, au saint anniversaire. Mon beau sapin, comme il est doux de te voir briller parmi nous. Toi que Noël planta chez nous, scintillant de lumière. Thank you. sapins, roi des forêts, tu gardes ta parure, mon beau sapin, tes vers sommets et leur fidèle ombrage, mon beau sapin, tes vers sommets et leur fidèle ombrage. Alors depuis 21h, on a eu Noël arménien, on a eu Noël au Japon, maintenant c'est Noël dans le monde. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, bien, il y a beaucoup de traditions différentes à travers le monde. Et je vous en présenter deux, et c'est parfois assez atypique. Donc, je vais commencer par la Grèce, puisque là-bas, les sapins de Noël, ça n'existe pas. Et ils les remplacent par des maquettes de bateaux en bois, qu'ils ornent de guirlandes. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Des bâtons en bois ? Ouais, c'est ça. D'accord. Les sapins de Noël, eh bien, là-bas, c'est les bateaux de Noël, au final. Ils les mettent dans la maison ? Par exemple, les enfants sortent dans la rue pour chanter des chants de Noël et ils ont une petite maquette de bateau avec eux et toute la ville aussi a de grandes maquettes de bateaux, comme nous par exemple à la place Stanislas, c'est un sapin de Noël, et bien eux là-bas c'est un bateau de Noël au final. D'accord. Et donc leur hymne, c'est la chanson de Eric Morena au Mon Bateau. Ah bah là je ne sais pas. Plutôt que Mon Beau Sapin. Je ne sais pas mais... Ah oui. Je sais pas, il faudrait leur poser la question. On les appelle tout de suite. Mais du coup, je crois que les Grecs, justement, pour la question un peu historique et culturelle, ils le fêtent pas justement en janvier, vu que c'est des orthodoxes et qu'ils sont pas catholiques. Mais justement, oui, j'allais y venir. Désolé d'avoir spoilé. Non, c'est une excellente transition. Puisque là-bas, effectivement, eh bien, les cadeaux ne sont pas distribués pendant la nuit du 24 au 25, mais il faut attendre le 1er janvier. On va passer tout de suite au Mexique, donc dans l'autre coin du monde, puisque le Père Noël là-bas, ça n'existe pas. Donc après les sapins de Noël qui n'existent pas, c'est le Père Noël qui n'existe pas. C'est Jésus lui-même, en fait, qui distribue les cadeaux. Bien sûr. Et puis là-bas, eh bien, il y a une tradition assez sympa, puisque pendant 9 jours, du 16 au 24 décembre, une fête qui s'appelle la Posadas, qui signifie en fait les auberges, a pour objectif de se retrouver en famille, mais aussi avec les amis proches chaque soir. Et cette tradition vient de Marie et Joseph qui se sont arrêtés dans les auberges durant leur voyage. Et la tradition veut que là se déroule et bien selon un rite précis. En fait, la famille et les amis se divisent en deux groupes. L'un va sortir de la maison et l'autre va rester à l'intérieur. Et deux personnes de ceux qui se trouvent dehors ont dans leurs mains des petites figurines, donc des deux personnages que je vous ai cités avant, et commencent à chanter une chanson traditionnelle dont les paroles réclament l'hébergement. Et ceux qui se trouvent dans la maison va répondre par une autre chanson, donc c'est assez sympathique. Et puis ensuite, un long discours va commencer, puisque en fait, ceux qui sont à l'intérieur ne veulent pas les accueillir. Et c'est pour ça qu'il y a un long discours afin de les accueillir. Et à la fin, eh bien, ils vont les accueillir tout simplement et un grand repas va commencer à se faire. Donc ils vont faire ça quand même pendant 9 jours, moi je trouve ça assez sympa. Puis c'est cool. C'est un jeu de comédien, en fait, un jeu d'acteur. C'est vrai, en plus. Non, mais je me vois bien dans la rue à chanter des chansons, moi. Et bah, si tu veux, tu peux descendre en bas de la maison de Fadjet et... Bah écoute, je vais y aller tout de suite et puis on va chanter une petite chanson. Bah toute seule, hein. Non. Oh bah non, bah, accompagnez-moi. Alors, c'est la fête de la solidarité. Merci, Swellen. Je reste au chaud. Oh. Voilà. Donc voilà, c'est je tout t'encouragerai ça... par la fenêtre. Derrière la fenêtre. C'est gentil. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de manières différentes de fêter Noël. Et c'est intéressant de voir du coup les traditions des autres pays. Et on voit que c'est quand même assez différent de la France. Voilà. Mais ça peut nous donner des idées aussi. Oui. Oui, mettre la moitié des gens de la famille dehors. Ouais. Qui nous supplient de leur ouvrir, on l'ouvre pas. Après une partie de Monopoly. Voilà, bah, évidemment. Alors, on va peut-être quelques petites questions. Ah oui, vas-y. Allez. Complétez ce proverbe français à Noël, au balcon, à... Alex, je sais. Au trison. Alex. Pâques. C'est ça, Pâques. Un point pour Alex. Mais me demande pas d'expliquer le... Moi non plus. Mais si, ça veut dire que si à Noël il fait beau, on est au balcon parce qu'il fait beau dehors. Oui. Et au tison, ça veut dire qu'on est près de la cheminée. Ah oui, le tison. Et donc, il fait froid, c'est-à-dire s'il fait beau à Noël, mars-avril, il ouais, fait moche à Pâques. C'est vrai, mais oui, évidemment. Merci Rodolphe pour alors, cette piqûre de rappel. Dans la série des Simpsons, j'ai Marge. Un petit extrait. J'ai un petit extrait, on va l'écouter. Attends. Les Simpsons sont avec nous ce soir. Tout Mais vous devenez dur de la feuille ou c'est que vous êtes taré? Je vais tout vous réexpliquer et quand j'aurai fini, adieu Berthe, je raccroche. C'est pas mon chien! Mon chien, je l'ai attaché dehors moi-même avec mes petites mains. Et pendant que je vous cause, je l'ai devant les yeux et tout. Alors, si je peux préciser, c'est certainement les voix des toutes premières saisons des Simpsons, parce que Homer n'a pas tout à fait la même voix. Je connais pas, je regarde pas les Simpsons, d'accord. Mais j'ai une question sur les Simpsons. Donc, dans cette série, quel est le nom du chien de cette famille qui n'apparaît que dans quelques épisodes? Alors, bonne question. On est quand même le 24 décembre. Il s'appelle Papa Noël. Ouais, Papa Noël. Ah, presque. Noël, tout court? Non. Père Noël? Non. Jean-Pierre non, Noël mais, Christmas. Tout à l'heure, il y a... Je crois que c'est Ellie qui a dit... Papa Noël. Presque. Papa Noël. Presque. Papa. Ouais, papa. Non. Les deux mots, ils sont bons. On rajoute juste un petit mot. Petit Papa Noël. Petit oui, Papa c'est Noël, c'est ça. Bien joué. Ah, respect. Alors... À Noël en France, elle est facile celle-là. À Noël en France, comme dans d'autres pays, on termine très souvent le repas par une bûche de Noël. Cette tradition culinaire reproduit en fait un autre rite lié à une célébration, mais laquelle? Vas-y. Il n'y a pas des propositions? Il y a des propositions, mais pour l'instant... En fait, ça allait être dans la chronique que j'avais faire et si Rodolphe rigole, parce qu'il avait écrit la même chose que moi. Parce qu'en fait, ça vient d'un rite païen, c'est ça? En fait, on brûlait... C'est pas ça. C'est autre chose. Alors, il y a l'arrivée des rois mages, le solstice d'hiver ou l'arrivée de l'hiver. Bah du coup, ça doit être l'arrivée de l'hiver, excuse-moi, Alex. Non. Ah bon, bah voilà. Non. Ça a des deux autres. Solstice d'hiver. Et solstice de Strasbourg. Non, non. Pardon, excusez-moi. Il est tard, il faut que je retourne mettre du bois dans ma cheminée. Oui. Alors, une petite question chiffre. En 2001, fut vendu aux enchères à. J'arrive même plus à me relire. Devise. Je sais pas, au Royaume-Uni, enfin quelque part au Royaume-Uni. Merci, Swélène. La carte de Noël la plus chère de tous les temps, écrite en 1843 pour une grand-mère, à combien a-t-elle été adjugée? C'est en livres sterling ou en euros? Là, c'est en euros. 2 672 483 euros et 87 centimes. On va peut-être pas aller aussi loin. C'est moins. Beaucoup moins. 2 euros. Tu peux garder le 2, mais tu rajoutes des chiffres. Nous ne sommes pas extrémistes du tout. Alors, je m'appelle Alexandre. 200 000 euros. Non, moins quand même. 15 000. Un peu plus. 22 000 euros. Un petit peu plus. Ah, t'es pas long. 25 000. Un petit peu moins. Je m'appelle Rodolphe. 24 000. Un petit peu moins. Je m'appelle Alex. 23 000. 23 000, c'est ça. 23 000 euros, une bravo carte Alex, de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va vous prendre comme question? Alors, on va mettre une petite question. Hop. Donc, la question va arriver bientôt sur vos écrans. D'accord, oui. C'était la question. Donc, je pense que c'est Jingle Bells, la réponse. Oui, la question, c'était en fait, de qui reconnaissez-vous la voix? Ah bah, quelqu'un qui a une voix qui fait... J'adore, Swélène, tu nous en fais quand tu veux d'autres comme ça. Je crois que c'est bon, là. Alors moi je dirais, je suis Rodolphe, je dirais Elvis Presley. Eh ben, tu as bien fait de dire ça. Respect, bravo, bravo. Voilà, donc c'était Elvis Presley qui chante Silent Night. Non, mais, one again. Non mais moi l'anglais ça fait 10 millions. Allez, une autre petite question, on écoute cet extrait et il y a un petit mot à trouver. Noël d'autres autrefois. Vous aviez qu'est-ce que c'est que cet extrait? Eh ben, la suite, ça a été un petit peu trafiqué. Alors, la suite de cette musique, non? Ah non, j'ai reconnu Charles Aznavour. Oui. Mais le texte, je ne l'ai pas reconnu. Le texte à trouver, ça s'appelle un blind test. Ah, c'est donc ça. Tu as des propositions de réponse à nous faire, peut-être. Alors, Solène. Une âme ou la neige et le vent? C'est trois propositions ou c'est une? Une âme, oui. Ou la neige et le vent, c'est ensemble. Ah, je pense que c'est la neige et le vent parce que le trou était assez grand. Mais qui dit qu'il n'y avait pas la suite aussi? Ah, je ne sais pas. Ah ah, alors dernier mot? C'est ton dernier mot? Ouais, j'irai une âme. Eh ben c'était ça, ah, la réponse. Bravo Eddy. Si je la... Voilà. Noël d'autrefois. Vous aviez une âme. Voilà la ça, réponse. C'est fait. Une âme. Merci. Voilà. Allez, on va écouter une petite musique, Patrick Bruel, avec Lettre au Père Noël. Et une jolie aquarelle pour lui montrer le chemin. Des tout petits bras s'agitent pour me dire d'écrire plus vite. Que le traîneau va partir, que les lutins doivent dormir. Tu veux un bus, un tam-tam, un hibou qui parle anglais. Et des chaussures pour la dame qui vit dehors toute l'année. Un cœur neuf pour Papy Ben. Que Louise te fasse un baiser, des mercredis sans sirène, voir le pays où je suis né. La vie tourne comme un remue-ménage, et les lettres viennent mourir dans la neige. Et sous tes rêves, il y a parfois des pièges. La vie tourne et détourne le manège. Mais voilà, tout le monde n'a pas son siège. Comment on monte et comment on se protège? Pour Loïc, un pull qui pique. Léon, un accordéon. Puis un train électrique et des chagrins qui s'en vont. Moins de gens qui se chamaillent, moins d'oiseaux en robe noire. Des polochons pour champ de bataille et des bonbons pour la mémoire. Des poésies qui se retiennent et que mon copain revienne. Qu'il ait des cheveux, qu'on rigole, sans lui je m'ennuie à l'école. Pourquoi la vie ça s'arrête? Est-ce que l'amour ça se prête? Est-ce que la terre tourne bien ronde? Les cadeaux dits, c'est pour tout le monde. La vie tourne comme un remue-ménage, et les lettres viennent mourir dans la neige. Et sous les rêves, il y a parfois des pièges. La vie tourne et détourne le manège. Petite lettre me réveille, des mots qu'on n'entendait plus, et des boules de neige fondues coulent de mes yeux vers ton ciel. Toute l'équipe de Fadjet vous souhaite de joyeuses fêtes. bah, c'est des anecdotes aussi, c'est ça? Des insolites, ouais, qui ne sont pas des insolites. J'ai pas tout compris. Ça reste comme des infos insolites. Ah, mais attends. Oui. Avec allô, micro, ce ouais, là c'est mieux. Bah, ça reste quand même des infos insolites, mais après, ouais, c'est des anecdotes. C'est plutôt le saviez-vous sur Noël, mais quand même un peu insolite parce que c'est des choses que normalement peu de gens savent aussi sur Noël. D'accord. Eh bon, t'écoutes. Alors, déjà, la première, c'est est-ce que vous savez quel est le vrai prénom du Père Noël? Santa Claus. Eh ben non. Quelqu'un d'autre? Robert. Non. En plus, tu dois le savoir, Rodolphe, toi, non? Rodolphe. Non, c'est pas Rodolphe, mais tu pourrais le savoir. Dans ces anecdotes, tu l'as pas trouvé? Non. Eh ben, je vais vous l'avouer, bah, tu vois comme quoi ça sert. C'est Kris Kringle, je le fais avec l'accent anglais. Kris Kringle. Ils en parlent souvent dans les films en ce moment sur Noël. Et donc, ce sont les Américains qui lui auraient donné ce nom pour passer incognito dans les villes. Et ce serait donc inspiré de l'allemand. Alors là, par contre, désolé pour mon allemand. Christkindl, donc qui veut dire l'enfant Christ. Ouais. Voilà, l'enfant D'accord. Christ. Alors, sinon. Attendez, parce que je me suis perdu dans mes fiches. Et saviez-vous aussi combien il y a de reines du Père Noël? Je crois que c'est un père. Non, c'est, je sais plus, 8. Oh, je dirais 6, moi. Non. 7. Non, bah en fait, il y en a 9. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'à la base, comme dit Swellen. Non, c'est vrai qu'en fait. Il y a rouge devant. C'est ça. En fait, à la base, il y a 8 reines et le 9e, c'est le célèbre Rodolphe, dédicace à lui. Ouais, j'ai assez souffert, merci. Et qui a donc été inventé par le poète Robert L. May dans un conte où le Père Noël doit affronter des conditions météorologiques si mauvaises qu'il risque d'être en retard pour sa livraison de cadeaux. Il réussit à les distribuer grâce au nez lumineux, comme vient de dire Swellen, de Rodolphe, qui l'oriente dans la tempête. Donc s'il neige, vous pouvez venir avec moi, je vous guiderai dans la tempête. Et d'ailleurs, je voulais aussi dire qu'en France, c'est le Père Fouettard qui est vert, parce qu'à la base aussi, le Père Noël était vert et pas rouge. Et que, en fait, les Américains l'ont inventé en fait, le Père Noël en 1900. Et c'était un vieillard de bon air qui s'est donc immortalisé après avec les pubs Coca-Cola. Mais c'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Ah. Mais il est devenu rouge. Est-ce que c'est une histoire de daltonisme, tout ça? Oui, vert, rouge. Parce qu'en fait, si tu veux, pour terminer sur... Il est plus beau en rouge. Parce qu'en fait, le Père Noël, à la base, est-ce que vous savez de quel siècle il date vraiment? Bon, je dirais 19e. Eh ben non, il date du 17. Voilà, c'est ça. Il date du 17e siècle. Et en fait, on l'appelait donc Father Christmas en anglais. Et en fait, à la base, il n'était pas justement, comme je viens de le dire, de bon air et un peu bien portant. Il était maigre et austère et il distribuait des fessées aux enfants passage. Ah, cool. Donc rien à voir avec maintenant. C'est pour ça que je parlais du Père Fouettard juste avant. Ça en était inspiré en Lorraine, voilà, exactement. Et est-ce que vous savez que représentent les cadeaux de Noël? C'est une générosité de la part de celui qui offre vers celui qui reçoit. C'est à peu près ça, c'est vrai. Mais tu sais qu'en fait, à la base... C'était le 1er janvier, non? À la base, les cadeaux. Non, c'est les non. Étrennes. Non, pas forcément. En fait, les cadeaux de Noël à la base, c'était la coutume voulait qu'en fait, on offre des présents, souvent de la nourriture aux enfants les plus démunis le jour de Noël avant de devenir une fête commerciale. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure aussi, d'où vient donc la bûche? Du pâtissier. Ouais, voilà. Et en fait, ça provient d'un rite païen qui consistait, mais après, j'avais pas tout dit tout à l'heure, donc c'est bien, je peux l'expliquer. Ça consistait en fait à brûler une bûche dans l'âtre de la cheminée du 24 décembre au 1er janvier pour rendre hommage au solstice d'hiver. La bûche consommée devait garantir de bonnes récoltes l'année suivante. Et dans la version chrétienne, cette bûche rappelle que Jésus est né dans une étable glaciale et n'avait pour se réchauffer que le souffle d'un âne et d'un bœuf. Donc, c'est pas en été? On l'a dit telle. Exactement. Donc on a des anecdotes qui se contredisent. Super. Donc, suivant l'heure à laquelle vous suivez cette émission, chers auditeurs de Fadjet, vous n'avez pas le même niveau d'information. Et pour terminer sur deux petites choses, en fait, est-ce que vous savez d'où viennent aussi les boules qu'on met sur le sapin? Bah avant, il y a eu une sécheresse et du coup, ils ne pouvaient plus mettre les pommes de pin ou des trucs comme ça. C'est presque ça, c'est pas loin. En fait, c'est vrai que déjà les boules décoratives, elles viennent de chez nous, enfin pas loin, d'Alsace. Les premières, elles ont été faites par un souffleur ou je sais plus, enfin un truc, des boules en verre. Sûrement, mais ça je l'ai pas noté. Mais en tout cas, ouais, ça vient du coin, ça vient d'Alsace. Et en fait, comme tu as dit, c'est quasiment ça. En fait, c'est vrai qu'à la base, c'était des pommes. Mais en fait, en 1858, on a remarqué donc que ça gelait avec l'hiver. Et donc, ils ont remplacé ça par des boules décoratives. Parce qu'à la base, c'était la bourgeoisie qui utilisait les boules. Et après, ça s'est popularisé dans les livres, etc. En fait. Et Noël, c'est une fête qui a été officialisée qu'au 3e siècle, d'ailleurs. À dire aussi. Et avant, il y avait des bougies sur les arbres. Mais ça prenait feu. Ça par contre je l'ai sauf pas. Sauf s'il y a une Marie qui les éteint. Oui, ah, tout à fait. Bah, toutes là, les maisons incendiées, c'est parce qu'il n'y avait pas de mari. Attends, là, une mari est une bougie. Donc, si on a plusieurs sur le sapin, il faut plusieurs maris. Ah bah, Marie, elle tourne autour du sapin. C'est bien d'avoir plein de maris sous Hélène. Non, tu n'aimerais pas avoir plein de maris, toi? Non, un seul, ça me suffit. Allez, on va écouter donc Antoine, Nathan, Solène et Léa. Que préfères-tu à Noël? J'aime bien les cadeaux, j'aime bien me coucher tard, c'est bien. On fait une grande fête avec toute la famille. Il y a le sapin, il est super beau, c'est super bien quoi. J'aime bien aussi les cadeaux, pareil. Et le sapin, quand on fête ça en famille. Et aussi se coucher tard et rester avec les cousins. Moi je pense que c'est bien pour réunir la famille et tout. Et les cadeaux c'est bien pour tout le monde parce que ça fait plaire tout le monde. Et je pense qu'ils aiment bien aussi les cadeaux. Moi j'aime bien Noël aussi parce qu'on a les cadeaux, on fait un sapin. Il y a des fois on invite notre famille. Et parfois on peut se coucher une tard. Bonne fête de fin d'année sur Fadjet. Alex, c'est à ton tour de nous faire un Shabbat d'Alex. Ah, c'est parti. Bon, écoute, sur la neige. Sur la neige, tout à fait. Rebonsoir, chers auditeurs de Fadjet. Vous ai-je manqué? Peut-être. Oui. Oui. Peut-être pas du tout, parce que vous... Non, mais c'est Shabbat d'Alex, ils sont intemporels. Voilà. Mais peut-être que nos auditeurs viennent de nous rejoindre, et c'est pour ça que je ne leur ai pas manqué, tout simplement. Vous venez de terminer votre part de bûche pâtissière et vous venez d'allumer votre poste de radio pour rejoindre votre station favorite et effectuer votre digestion. Et quoi de mieux pour digérer qu'un Shabbat d'Alex ? Pardon, qu'est-ce qu'il dit ? Un Shabbat d'Alex, c'est quoi, comme le disait Ellie tout à l'heure ? Eh bien, c'est une compilation de chansons qu'un dénommé Alex vous propose et qui illustre un thème donné. Je vous ai déjà servi une chronique sur Noël il y a 2 heures. Laissez-moi vous embarquer dans un thème qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle de l'hiver, la neige. Peut-être qu'il neige à cette heure-ci chez vous. Nous, on ne sait pas car nous avons dû fermer tous les volets à la maison de Fadjet. En effet, les animateurs de Fadjet aiment s'enfermer dans le noir, enfin juste éclairé par des guirlandes électriques. Sans plus attendre, voici mon premier extrait, une chanson que j'adore, composée par Vincent-Marie Bouveau et sortie en 1988. Jour de neige, dans un grand mur qui peut protéger. Là, tout le monde a l'air surpris. Non, j'adore, c'est bizarre. Oui, mais c'était pas un blind test, donc il n'y a pas de souci. Un grand pull qui nous protège du froid, certes, mais pas forcément de la neige. C'était Elsa, bravo Rodolphe, avec son titre « Jour de neige ». Vous savez que la neige, il peut y en avoir presque partout, y compris au Sahara. Personnellement, je n'ai pas eu le privilège de vérifier. J'en crois mon ami Angoune sur parole. Passons à l'un de mes artistes masculins préférés, qui s'appelle Vianney et qui va bientôt passer lorsque Sue Ellen approchera ses mains du cartoucheur. Et tombe en trombe la neige. Et si j'y monte, je tomberai du toit. Comme Minon de ton monde et ton manège, qui me font tomber raide dingue de toi. Vianney qui tombe du toit. Il y a des années de ça. La chanson s'intitule « Tombe la neige », je ne connaissais pas non plus. Et on peut la retrouver dans l'album qui traîne au pied du sapin de ceux qui n'aiment pas la musique. Oh là là, je suis méchant. Gratuitement en plus, aucune trêve, même pas à Noël, l'Alex. Continuons à être joyeux avec une chanson de Gainsbourg issue de l'album « L'homme à tête de chou ». Marie-Lou repose sous la neige. Et je me dis, je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige, plus préserver la fraîcheur de l'île. Nelly. Tu limites bien. Savez-vous, alors ça c'est une question pour Swellen, voilà. comment l'on dit, il a neigé hier en anglais. Hier c'est tomorrow. Non, ça c'est demain. Parce que tu es une femme d'avenir. Je sais pas, neiger c'est snow, mais ça s'en approche. Eh bien, on va laisser Marie Laforêt nous dire comment on dit il a neigé hier. Sur yesterday. Bien sûr. Les chansons dynamiques et récentes sur Fadjet ce soir. J'aime bien. Cette chanson est sortie en 1979 et c'est un hommage aux chansons des Beatles, Yesterday, Yellow Submarine, etc. N'oublions pas notre amie Lynn Renault avec son Étoile des Neiges en 1950, elle était déjà là. Étoile des Neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Je termine mon Shabbat d'Alex avec Frank Sinatra et son inoubliable version 2, parce qu'elle a été reprise des millions de fois, Let It Snow, toujours en 1950. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. Je vous souhaite un agréable réveillon avec Fadjet en fond et vous dis à très vite dans une matinale par contre parce que là j'ai sommeil. Bonne nuit, joyeux réveillon à tous. Bah à la rentrée, on te retrouve. Voilà. Parce qu'on est en vacances. Tout à fait. Enfin, à partir. Enfin, on est déjà. En fait, on à a fermé les locaux. De lundi, enfin de demain même, il y a plus d'émission. The tomorrow, the yesterday. À partir de je ne sais pas quand, c'est fermé. Tu te moques de moi là, c'est pas bien. J'aime bien me moquer de toi, Swellen. Allez, une petite musique, c'est Johnny. Non, on va écouter les enfants avant. Oui, parce qu'il ne fallait pas écouter Johnny. Non, après, on va écouter les enfants et c'est. À ton préféré. Non, c'est après. Aurélien, Célio et Gabriel. Comment fêtes-tu Noël dans ta famille ? Bah moi je fais un repas et après on va prier devant la crèche et après on attend les cadeaux et après on va dormir. Moi je fête Noël de ma famille avec un petit apéro et un dîner en famille. Moi je fête avec toute ma famille Noël, j'attends minuit pour avoir les cadeaux. Joyeux Noël sur Fadjet. Donc là, cette fois, on écoute bien Johnny Hallyday avec Mon plus beau Noël. Que tu voulais passer à tout prix. Oui, j'aime bien la musique. Là. Elle est belle. D'accord. Allez. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre. Avec toi, je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêve. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes, je serai le plus heureux, le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêve. Que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attends. Toi mon amour, ma vie, mon étincelle, je suis le plus heureux, tu vois. Je n'ai mon plus beau Noël, une pensée donc à lui et à toute sa famille. Alors Anthony, il voulait être avec nous ce soir, malheureusement il n'a pas pu. Oui. Et du coup, Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Ça va. Pas trop fatiguée après ? Si, un peu là, ça fait... Presque 3 heures ? C'est ça. Donc tu vas nous parler du top 10 des jouets qui ont le plus de succès à Noël. Ben oui, parce que Noël, forcément, ça rime avec cadeaux et jouets, et puis ça rythme aussi notre enfance. Alors c'est aussi un gros problème chaque année. Qu'est-ce que je vais offrir ? Qu'est-ce qu'on va m'offrir aussi ? Ça, c'est souvent une peur. Alors, quand c'est des enfants, ça va. Oui, mais tu peux quand même tomber à côté, mais avec les enfants, ils font pas des listes pour rien, en général. Alors, et puis souvent, on se souvient pas forcément de ce qu'on a offert aux autres. On ne se souvient pas toujours de ce qu'on nous a offert aussi, hein, des fois, on préfère oublier. Oh. Mais en tout cas, il y a certains gros succès dans l'histoire de Noël qu'on va rappeler. Et puis, je pense qu'on va provoquer un petit peu de nostalgie dans le cœur et dans la tête de nos auditeurs. Et on va commencer avec un jouet qui a fait fureur dans les années 70. C'était les figurines Star Wars. Alors, années 70, mais on est dans l'actu à fond, hein, 8e volet qui est sorti début mi-décembre. Pour mémoire, le premier Star Wars, il est sorti en salle, c'était en 77, et à partir de 1978, les produits dérivés ont fait leur apparition. Entre 78 et 85, la franchise a vendu plus de 300 millions de figurines. Et évidemment, ça s'échange encore aujourd'hui, ces vieilles figurines à prix d'or, vous l'imaginez bien. Et une fièvre autour de cette saga qui persiste, et puisque je vous le rappelle, donc l'épisode 8, Le Dernier Jedi, est sorti le 13 décembre dernier. Et on imagine que ça va être encore une grosse fièvre autour de tous ces produits dérivés pendant des années, et ça coûtera très cher dans 10, 20 ou 30 ans. Un autre succès qui remonte à l'Antiquité. Ouais, une idée. Tu vas encore plus loin là. Et plus récent les jouets. Hein. Et bah oui, mais on va revenir dans des choses un peu plus récentes. Ça remonte à l'Antiquité, vous avez une idée peut-être? Le yo-yo. Non. Non. Le Tamagotchi. Ça va vous surprendre. Hein. Un ballon. Les voitures miniatures. Oui. Alors évidemment, elles étaient différentes. Oui, à les l'époque. Ouais, c'est les chars. Évidemment. Mais ça avait quand même, c'était quelque chose avec 4 roues, ou 2 peut-être des fois, ou 3. En tout cas, c'est quelque chose qui a eu un gros impact. Toutes ces petites répliques à 4 roues sur la société moderne, donc Dinky Toys en Angleterre, Majorette en France, Hot Wheels aux États-Unis. Tout le monde possède ou a possédé des voitures, en tout cas les frères ou les cousins, on a tous joué avec un petit peu. C'est impossible d'estimer le nombre d'exemplaires qui ont été écoulés dans le monde, tellement la concurrence et les sous-produits sont nombreux, mais une chose est sûre, c'est que ça se chiffre en plusieurs milliards. Donc les petites voitures, et il y a encore même des grands qui collectionnent les petites voitures, donc il y en a pour tout le monde et pour tous les et publics également. Et ça existe toujours. Et il y a des magasins spécialisés. Et il y a des petits qui collectionnent les grandes voitures, évidemment, aussi. On ne précisera pas après, voilà, c'est, voilà, chacun sa façon d'exister. Rien à voir, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, autre succès lancé, un peu plus récemment, mais ça reste quand même très ancien, on est en 74. Ah, c'est plus près. Ah, c'est une bonne année. Je crois savoir. Est-ce la... Ah non, peut-être pas la poupée. Le kiki. Non, c'est pas... Le kiki de tous les kiki. Non. Alors ça s'est répandu essentiellement au début des années 80 et sur l'ensemble de la décennie des années 80. C'est ma génération. Si je vous dis par qui il a été inventé, vous allez deviner tout de suite. Ah, c'est Philips, c'est le CD. Rubik's Cube. Erno Rubik. Rubik's. Ah, le Rubik's Cube, évidemment. Bravo, Elie. Qui maintenant existe et qui sous revient, plein de formes différentes. Il revient à la mode avec plus de cases. Ah oui, il y en a et même les jeunes... à 17. Voilà. Donc déjà, le Rubik's Cube de base, il était super compliqué. Donc maintenant, en plus, il existe mais sous non, différentes formes. C'était mais... des autocollants. Tu décolles les autocollants et tu les remets. La tricheuse. Oui, mais au bout ça marche pas tout le temps parce qu'au bout d'un moment, ça se recolle plus. Ouais. Non. Hein. Donc il y a un moment, ça s'écoule et tu joues plus. Bon, en tout cas, le Rubik's Cube, il est revenu à la mode. Hein. On voit de plus en plus de jeunes qui en jouent, notamment dans les cours d'école. Enfin, de toute façon, c'est mieux qu'un téléphone portable dans la main. Hein. Et c'est un jouet qui a été breveté par son inventeur. Il a fait sa fortune. Et il y a même des applications. Oui, mais vaut mieux avoir le bon vieux Rubik's Cube dans la main. Il y a même des concours de rapidité. Je sais pas. Tu tournes le smartphone. Alors, je vous le disais, ça a fait la fortune de l'inventeur, hein, Erno Rubik. 350 millions de Rubik's Cube qui ont été vendus depuis sa création. Donc voilà, un brevet qui a pas mal rapporté. Direction les années 2000 pour le jouet suivant. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Est-ce que vous vous souvenez de l'écran magique? Bien sûr, mais ça c'est plus vieux que ça. Oui, non, pardon. Pour ceux qui sont, il faut au moins être né avant 2000, je voulais dire. Voilà, pour ceux qui connaissent l'écran magique. C'est pas un petit tableau. Désolé, avec Anthony, pour ta un crayon et ça fait des c'était comme une ardoise. Oui, c'est une ardoise magique. Il y avait deux petites molettes. Deux molettes, ouais, voilà. Deux molettes, ouais. Deux petites molettes qu'il fallait déplacer. Il y avait une poudre du coup qui créait les petits dessins. Et on était censé faire des dessins. Parce qu'il faut avouer qu'on n'y arrivait pas toujours très bien. Hein. Ça fait partie du top 10. Ça fait partie du top 10. Les petits châteaux de princesse, tout ça. Quelqu'un a déjà réussi à le faire? Non. Hein? Ou à faire un dessin qui ressemble à quelque chose? Il n'y a pas moyen de vérifier, donc oui, j'ai réussi. Et ben, ça existe encore, donc tu vas aller nous en chercher un pour la rentrée. Hein, voilà. Ouais. En tout cas, c'est un gros succès français. C'est important à noter aussi. 150 millions d'exemplaires qui ont été vendus depuis les années 60. Donc un gros carton. Avant-dernier jouet donc, de cette sélection, de ce top 10, un succès mondial également, pour ne pas dire universel, tant elle, oui je dis bien, elle a fait fureur dans votre Barbie. Enfance. Mais Toupie. La Barbie. Barbie. Créée par Barbie. Mattel en 59. Ah oui, c'est Barbie. Bien Barbie. Sûr, Barbie. Le choc. Barbie, l'amie de toutes les filles. Hein. Les deux qu'on dit Barbie, c'est Ellie et moi. Donc. Voilà. Ouais. Non mais c'est bien. Un traumatisme. La preuve que c'est universel, Barbie. Et il y avait Ken. Qui est devenu un gros mot aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, Barbie, maintenant, mais c'est diversifié. Mais du coup, les garçons pouvaient s'ils voulaient jouer à la Barbie avec leur sœur, leur copine, leur cousine, ils pouvaient utiliser Ken et faire, voilà, c'est pas trop jouer à la poupée, c'est un mec... Mon personnage, c'est un mec. Ken pour... Mais il y avait pour les garçons, il y avait quand même un équivalent, c'était les Beat Jim. Action Man. Allez, Action Man. Et on pouvait mélanger les Barbie et les Joe, je sais pas. Mais il y a eu des polémiques sur Barbie d'ailleurs, parce que justement, à la base, elle était un peu, comment dire, top modélisée. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, depuis. Ils ont commencé un peu à la refaire, et notamment avec notamment le féminisme et les causes féministes qui remontent. On met des poupées un peu moins maquillées, avec des proportions normales, puisque la Barbie n'a pas les vraies proportions d'une femme. Et puis forcément, bon. Et les femmes qui veulent ressembler à Barbie se portent des corsets, se font enlever des côtes et se font gonfler la poitrine, parce que c'est absolument inhumain. C'est un format absolument pas normal. Et donc, il y a eu quand même une période un petit peu critique pour la Barbie, ça a chuté un petit peu, mais ça a commencé à remonter, notamment en changeant un petit peu la physionomie. Toutefois, ils ont fêté, c'est en 97, la milliardième Barbie vendue. Quand même. En 97. Ouais, c'est donc aujourd'hui, il devait être. Donc là, c'était juste il y a 20 ans, ils ont vendu, c'était 1 milliard de Barbie il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, sachant qu'il y a une petite période creuse, mais que ça repart, voilà, c'est un des très très gros succès. Et puis. Alors on va terminer avec, ça se trouve c'est les filles qui vont répondre, puisque c'est les garçons qui répondent à Barbie. Un autre jouet qui a fait fureur et qui a vraiment marqué, je pense, toutes les générations. Le jouet de tous les records, la firme a été sacrée première vendeuse de jouets au monde en 2014. Je suis. Console de jeux miniature. Non. Tout le monde y a joué, même les filles. Et on pouvait même éventuellement faire des maisons pour des Legos. Les Legos. Et voilà. Et c'est bien, c'est les garçons qui trouvent les Barbie et les filles qui trouvent les Legos. Mais les filles jouent aussi aux Legos. Mais voilà, mais c'est bien. Comme quoi, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, notamment certains supermarchés, à mettre les poussettes dans les garçons et enfin en tout cas, pas dans les garçons, mais... dans le rayon pour des jouets garçons. Voilà. Ça peut faire mal. Ou mettre... dans les catalogues, mettre des jouets censés être pour les filles, pour les garçons et inversement. Voilà, la preuve aussi. Donc les Legos, et puis pour ceux qui ont aussi grandi avec les Legos et qui ont éventuellement des enfants maintenant, forcément les Legos sont toujours présents, puisque les plus jeunes y jouent d'attraction. Également. Voilà, premier vendeur de pneumatiques au monde, donc ça c'était Lego. Et en moyenne, ils ont fait une moyenne, chaque humain possède en moyenne 86 briques à la maison. Ah oui. Enfin, 86 briques, ce serait 86 000. 86 briques de Lego, évidemment. Sinon, ça oui, serait... largement, oui. Non, mais c'est une moyenne. Donc, il y a ceux qui en ont pas, peu, beaucoup, énormément, à la folie. Voilà, c'était pour le. C'est tout pour le top 10. Eh ben, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Allez, une petite musique, enfin, une toute petite, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne. C'est John Williams avec. Carol of the Bell. Merci. Il est tard. Question que j'ai posée aux enfants. Il s'agit de Romane, Lou, Andrea, Jules et Chloé. Quel est ton plus beau souvenir à Noël ? Quand mon tonton et ma tata, ils ont mis un grand Père Noël dans le jardin. Bah moi, c'était un jour, j'étais avec mes cousins. Ils étaient arrivés d'Espagne et on était partis regarder la télé. Et là, à un moment, on voit un gros Père Noël dans le salon. On est là, oh, c'est le Père Noël ! Moi, je me souviens, soir de Noël, on voyait les chevaux qui couraient. Et à un moment, on a vu mon poney, il avait plein de cadeaux sur son dos. Moi, c'est quand j'ai eu mon cheval à bascule quand j'avais 6 ans. Joyeux Noël sur Fadjet. Nous avons Fabienne avec nous pour finir la soirée. Oui, c'est une joie d'être là parmi vous. Bah, c'est une joie aussi que tu aies pu venir te libérer. Et bah oui, un 24 décembre. Exactement. Un petit mot, alors pas qu'un petit mot, plusieurs mots, simplement déjà pour... plusieurs phrases. Bon, c'est la fin de soirée, hein. Voilà. Déjà, je souhaitais un joyeux Noël à tous nos auditeurs, en particulier à ceux qui sont seuls, parce que c'est vrai que cette émission est réalisée pour tous nos auditeurs, mais en particulier ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui ont aussi le sentiment d'être seuls. Quand on écoute la radio le soir de Noël, c'est que souvent on n'est pas très entouré. Donc cette émission, on peut le dire, a été faite aussi en pensant à eux en premier. Remercier tous ceux, bien sûr, qui ont participé et qui ont fait en sorte qu'on puisse avoir 3 heures d'antenne, vraiment avec une couleur de Noël, avec plein de gens qui ont travaillé en amont. Un grand merci à Sue Hélène qui a coordonné un peu tout ça. Avec combien de chroniqueurs en tout ? 12 000. Environ, environ. À la centaine près ? 15. Une quinzaine donc de personnes qui ont pris de leur temps, qui ont préparé des chroniques de Noël pour rendre notre antenne festive. Et puis voilà, remercier aussi tous ceux, la réalisation technique, en particulier tous les bénévoles aussi de la radio. C'est l'occasion aussi de les remercier, de souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Et puis de vous dire aussi, bien sûr, à l'année prochaine, avec aussi des émissions spéciales pour le 31 décembre, avec une couleur d'antenne aussi particulière. Voilà, on aime vous rejoindre pendant ces fêtes de fin d'année. Merci bien. Voilà. Quelqu'un veut, je sais pas, dire quelque chose ? Non. Eh bien, tout simplement. Bah, joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël. Tout simplement. Deux mots. Deux. Voilà. Nous, il va bientôt. Malheureusement, il est l'heure de se quitter. Il va être minuit dans quelques secondes. On vous dit à l'année prochaine. Et bien, avec plaisir. Allez, bonne fin de soirée à notre écoute. Bon début de nuit. Bonne bûche.